Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonsoir à tous. Voilà. Et bienvenue dans le Power Cast saison 2, épisode 3. C'est exact. Épisode spécial Noël, puisqu'on est bientôt jour de fête. Puisque je suis dans jour de fête parce que c'est la fête. Oui. Ouais, il fait un peu froid là. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Thibaut ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Voilà. Donc, épisode en compagnie de Thibaut, dont Thibaut, c'est la première fois pour le Thibaut. Trop content. Merci. Merci. Et avec le retour du grand, oh merde, du magnifique Théo. Oui, grand panard. Ouais, grand Théo qui bat le record d'invitation au podcast. Troisième fois que tu viens. Je suis flatté, Clément. C'est vrai, et c'est un plaisir à chaque fois que tu viens. À chaque fois, exact. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, franchement. Et on a derrière, je sais pas si vous la voyez à l'image. Ah non, on la voit pas, les derrière, Jules. On a sur le. Et je t'ai même pas présenté Jules, mais Jules, tout le monde te connaît. Oui, ah, ouais. Jules avec moi, la bon, présentation, écoutez, voilà. Celui qui nous a sauvés au niveau du timing c'est pour vrai. Cette organisation. On la remercie. Voilà. Eh bien, bravo. On va commencer par vous présenter, les gars. Jules, je te laisse faire. Je te laisse commencer. Thibaut, oui. Est-ce que tu sais qu'on est allé chercher, on est allé fouiller dans tes mentions j'aime de Facebook ? C'est pas vrai. Si, pour te petit fouineur. On se demandait ce qui te définissait. Ouais. Et on s'est dit qu'avec ces petites mentions j'aime, on pourrait trouver. Alors, évidemment, on te connaîtrait mieux. Exprès, voilà. Ouh là là. Alors, Thibaut, tu aimes la page Ta cervelle est en grève, mais ta grande gueule fait des heures sup. Évidemment, je ne la connais pas, mais je m'en souviens plus. Pas très bien. Dire comme ça. Elle est ta très bien. Ta cervelle est en grève, mais ta grande gueule fait des heures sup. Elle est très bien, en tout cas. J'étais ravi de m'abonner à ça. C'est trop bien. Tu aimes la page Au nom du verre, du vice et du saint whisky, amène la bouteille. C'est le nom de page le plus beau du c'est monde. C'est incroyable. Ah ouais. Thibaut ne boit pas d'alcool en plus. Non, pas du tout. Faut cul. Très bien, très bien. Ouais. Alors, super. Alors ça, c'est la partie attendrissante. Si toi aussi tu aimes les soirées entre copains, ça te fait du bien. Deux points d'exclamation. Ouvrez la guillemets. Trois, donc un cœur. Oh. Ça, c'est plutôt beau. Inférieur à trois. C'est ça. Inférieur à trois, exactement. Putain, on était fort en... lettres. Tu aimes la page Les vrais amis se font rares de nos jours. Trois petits points. Oh là là. À l'époque, t'étais un petit peu émo. Ouais, peut-être. Tu aimes la page Règle numéro 2. Gardez un œil sur celui qui déballe le tatouage d'un malabar. C'est trop bien. La règle numéro 2. Mais la règle numéro 1, c'est quoi c'est la règle numéro 1. T'es sûr que c'est moi ? Oui. Ah ouais. Certain. Bah, tout ce qu'on dit, c'est très bien. Oui. Puisque d'ailleurs le dernier est si toi aussi tu trouves qu'on a trop d'heures de cours. Ah ouais. Vrai, ouais tu fais bien de râler. Ça c'est vrai. Abusé. Ouais, j'en ai plein le cul. Tu vas rejoindre tous les lycéens qui manifestent. Ouais. En ce moment. Sûrement pour ça d'ailleurs. Théo, tu aimes manger. Voilà. C'est la page, la page manger apparemment. Ouais. Tu aimes la belote multijoueur. C'est vrai. Est-ce que tu joues vraiment tu joues vraiment la belote? Ouais, bah mes grands-parents ils sont fans de belote et de coinche et depuis que je suis tout petit je joue à la coinche quoi. Ah et mais tu joues en ligne? Bah je pense qu'à un moment j'ai fait putain, il y a un jeu, il a l'air sympa là. Belote multijoueur. J'ai joué à la belote quoi. Ce cornichon peut-il avoir plus de fans que Tokyo Hotel? Ah ouais, merde. Et alors, est-ce qu'il en a eu plus? Est-ce qu'il en a eu plus? Non, mais il en a eu quand même 115 000. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal pour un cornichon. S'il y a 29 930 Viennois, entre parenthèses, ils y sont 38 dans ce groupe, c'est qu'ils y sont tous. Vous êtes seulement 1700 dans le groupe. C'est pas ouf. T'es Viennois de base ? Mais oui. C'est une grande honte dans ma vie. Je sais même pas que tu vas te Viennois. Ouais, c'est pas ouf à raconter comme il. Ah ouais. Ouf. Bon, t'aurais pu te présenter comme c'est ça. Pas, c'est pas LA, je quoi, suis Théo et Viennois. C'est Vienne, bon. C'est une ville de fachos. Ah, donc c'est pas. C'est pas Tu es un peu. Tu fais un mauvais coton, tu vas tirer une carte de Time's Up et tu vas devoir l'imiter. Allez, c'est non, parti. Je l'attribue à quelqu'un. Attends, alors, expliquons déjà ce que sont les mentions. Les interruptions imitations, pardon. Oui, alors, en fait, les interruptions imitations, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, et même dans le chat, vous avez le droit de nous soumettre une petite imitation impromptue et impromptue. Oui, il n'y a pas d'autre. Et Théo a voulu un peu modifier puisqu'il a apporté ses cartes de Time's Up. Et donc, voilà. Parce qu'en fait, j'avais déjà mon Time's Up dans mon sac. Je me suis fait, dis donc. Est-ce qu'on peut pas allier l'utile à l'agréable? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tirer une carte du Time's Up. Il y aura par exemple Tintin dessus. On devrait imiter Tintin. C'est ça. Bah, Milou voilà. Là, je suis tombé sur Le Père Noël est une ordure. Oui, alors, ZZ et Pouzix. Mais. Bah voilà. Et bon, Félix, il a un gros bazar. On fermait les yeux, ouais. On était dans le film. Ouais, c'est ça. J'étais dans la cage d'ascenseur avec. Je suis Marianne Chazelle. Avec Balasco. Tu as des énormes seins dans les bras. Ah, mais je me suis fait. Ah, c'est bien. Voilà. Non, c'est un très gilet pierre. On en a appris un peu plus sur vous. En plus, on a pu parler des interruptions d'imitation. J'arrive pas à se retrouvera pour un powercast spécial belote. Ouais, je vous fais une belote quand vous voulez. Enfin, une coinche plutôt. La belote, moi j'ai un peu arrêté. C'est du passé maintenant. Oh putain, ouais, le mec. C'est... Thibaut, tu te sens bien parce que si t'aimes les soirées entre copains, là t'es servi. Non ah là, je suis. Ouais, je pense pas. Les soirées entre copains, et oui, paradoxalement, totalement. Il trouve qu'il y a peu de potes en ce moment. C'est quoi déjà la page? Il trouve des vrais amis, seront rares. Oui, les vrais amis. C'est vraiment des soirées, mais pas que des vrais amis. Ouais. Puis c'est mieux que d'être en cours parce qu'on a quand même trop d'heures. Totalement. Les amis, on va passer à la catégorie, à la rubrique. On appelle Qu'est-ce que tu répondrais toi si je te demandais de choisir entre deux propositions? Exactement. Un peu long, hein. Oui, mais les gens aiment bien. Mieux que Fist and Curious. On va commencer par toi, Thibaut. Oui. Attends, c'était quoi déjà l'air que j'avais fait? Vive le vent d'hiver, non? On avait dit. Ouais, c'est ça. Ok, allez, c'est bon, j'ai l'air. Rapproche peut-être ton ukulele. Oui, ouais, alors attends. Tu peux pas baisser ton yep? Ça va faire un bruit. Voilà. Yes. Et joue plus haut. Ouais. Lève-toi. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, alors Thibaut, est-ce que tu es prêt? Clément, est-ce que tu es prêt? Totalement. Oui. Très bien. Thibaut, System of a Down ou Avenged Sevenfold? Avenged Sevenfold, tous les jours. Ah ouais? Ah oui, totalement. Pikachu ou Plante Piranha? Ah, Pikachu pour le personnage, mais sur Smash, Plante Piranha. Alors? Pikachu. Très bien. Pikachu. Vous avez droit à un Joker, on vous l'a pas dit. Très bien. Guitar Hero ou Mandoline Warrior? Qu'est-ce que. Guitar Hero. Très bien. Lumière du jour ou lumière artificielle type lampe de bureau? lumière du jour. Je voulais pas faire jour ou nuit en fait. Mage ou voleur? Mage, plutôt. Émilie, image ou voleur? Non, c'est pas ça. Été ou hiver? Hiver. Noël ou jour de l'an? Ah, moi ça serait plutôt Noël quand même. Très bien. Merci. J'avais peur de répéter le même truc. Merci Thibaut, je me suis arrêté. Ces réponses pour cette honnêteté. Ouais. T'en jamais pas. Il y a Théo. Oui, je sais. Oui. Mais je voulais parler avant. Mais parce que Théo, en fait, on a galéré quand même parce que ça fait deux. Enfin, c'est la troisième fois que tu viens. Donc en fait, on avait déjà préparé deux Fist and Curious à l'époque. Oui. Donc on a galéré. Donc on t'a fait un spécial. Ouais. On t'a mis un peu de la merde. La chance. Faire plaisir. C'est vrai. Tu vas adorer. Vas-y. Je veux faire vite fait de la musique en fond. Ouais. Tu veux faire un beat avec ta bouche? Vas-y. Oh. Je le sens pas. À moins que tu te sentes de le faire et je fais le. Oui, si tu veux, vas-y. Bah, non, tu l'as. Allez, t'es prêt, Théo? Ok. Ok. Panorama ou Panna Cotta? Ah, Panna Cotta. Ah, bah, t'es italien. La trilogie originale ou la prélogie de Star Wars? Un peu sérieux, celle-là. Ah. Je vais faire un AVC. Il a besoin de respirer, dépêche-toi. La trilogie originale. Ok. Avoir des lunettes en cul de bouteille ou des chaussures en prépuce de gourde? Les lunettes en cul de bouteille, clairement. C'est trop stylé. Manger ou boire? Alors, bah, étant donné que vous avez vu que j'aimais beaucoup manger, eh bien j'aime beaucoup boire aussi. Du coup, je vais prendre boire. Tu prends? Bah, boire. Parce que vous avez vu que j'adore manger. T'adores la bouffe, toi. J'adore la bouffe. T'es un mec... comme ça, toi. Falls ou Foster the People? Falls. Urètre ou ne pas être? C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup, alors je pense qu'il y a un jeu de mots juste derrière. Non, ne pas être. C'est vrai que si tu préférais l'urètre, ce serait un peu bizarre. J'en ai jamais mangé. Et enfin, la dernière, t'es prêt? Ouais. La station de ski, les Arcs ou Mireille d'Arc? Ah, Mireille d'Arc. Merci. Très bien. C'est voilà. Quoi la suite? Ça t'a plu? Ça vous a plu? Oui, j'ai adoré. Très bien. On passe au reco chaîne YouTube. Exact. Donc c'est un peu notre petite rubrique où chacun peut recommander en fait voilà des petites chaînes YouTube. Qu'il estime une chaîne dont il estime qu'elle n'est pas assez connue ou qu'elle a un concept assez original. Oui, elle peut avoir 1 million d'abonnés, ce n'est pas gênant. Elle peut même avoir 2 concepts. Est-ce qu'on vous avait prévenu qu'il y avait cette rubrique? Est-ce que t'as prévenu? Ah oui. Oh non, Ok, bah alors je te laisse commencer, Thibaut. Alors moi, c'est vraiment une chaîne qui pourtant est connue, mais qui est. Je regarde pas beaucoup de chaînes de toute façon pas connues. C'est Vevo. Non, pas du tout. C'est une chaîne américaine. Je regarde oui. seulement que deux chaînes américaines, d'ailleurs, qui étaient Smosh, donc assez grosses, ouais. et oui. je regarde plus du tout. Toujours, et oui, la deuxième, oui. qui est du coup celle-là, Corridor, qui est une chaîne ah. de, d'effets spéciaux, on va dire. Je connais. C'est ça, parce que bah, les wow. effets spéciaux, c'est un petit peu ma... Comment dire, mon histoire, parce qu'avant de faire l'école le cinéma, je faisais des effets spéciaux voilà. et tout avant ça. De faire du son, tu c'est étais graphiste. Là, tu me fais signe pour que je monte le son. Ah non, le tien. Okay, c'est pour ça que je me montrais du doigt discrètement. J'avais pas vu, pardon. Et du coup, voilà, Corridor, c'est une chaîne de, qui a beaucoup, beaucoup de vues et qui faisait ouais. d'abord des petits courts-métrages un petit peu basés sur des effets spéciaux, donc soit de films, soit... de jeux vidéo qu'ils voulaient refaire ouais. et bah là de plus en plus ils font des comment dire on les a ils ont été reconnus il y a pas très longtemps pour des réactions de ils regardent des effets spéciaux de films bons ou mauvais ils font des ils font et, pas des VFX font des... Wow. breakdown ils oh. font... c'est pas ça des quoi ils font pas des VFX breakdown ou... breakdown wow breakdown, breakdown. Tu veux dire quand tu vois des effets spéciaux qui sont découpés en modèle lumière textural machin ouais non ils font pas trop ça encore non, c'est pas ça. En mais fait là, c'est, du coup... c'est des mecs qui ils jouent un peu sur les comment les tendances du moment sur internet donc en fait ils mettent un peu des sortes de mèmes si on peut le dire mais ils font avec une qualité d'effets spéciaux qui est assez ouais ça va très puissante c'est assez des brutes ouais quand même. Et je trouve ça intéressant, surtout leurs vidéos réactions. Je suis pas fan particulièrement des vidéos réactions, mais là pour le coup, bah c'est bien parce qu'ils en parlent évidemment que c'est des bons ou que ce soit des mauvais effets spéciaux, mais en tout cas ils développent vachement bien. Et je pense que même les néophytes ils peuvent comprendre, même si c'est anglais. Ouais. Assez bien. C'est Corridor Digital à la base, je crois. Corridor. Sur ouais. Corridor, c'est mais Corridor on trouve aussi. Digital. Connaisseur le gars. Eh, c'est ça. J'étais là. Très bien, la chaîne Totalement. Corridor qu'on ira voir. Suivant. Bah, allez Clément. Allez. Ok. Alors moi, alors on galère un peu avec Jules en ce moment à trouver des nouvelles chaînes YouTube à présenter parce que ça fait 13 émissions qu'on est obligé ouais. de faire que des chaînes YouTube. Non, alors on pense potentiellement. J'ai dit 13, j'ai dit 11, pardon. Potentiellement, c'est la dernière émission où on fait une chaîne YouTube. On verra. Oh, parce que c'est on a peut-être une idée pour la suite. On va pour ouais. changer un peu. Alors moi, du coup, j'ai trouvé une chaîne que je regarde pas tant que ça, mais en fait, c'est plus une sorte de. C'est en fait, je voulais vous conseiller plutôt une ou deux vidéos qu'il a fait. La chaîne complète, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la voir. C'est la chaîne de Daniel Kim, en fait, qui, il y a un certain temps, en fait, je regardais à l'époque, plutôt vers 2013. Théo, c'est chiant là. Ça va. Ouais, il grandit un peu. Il essaie de tousser discrètement. Ça, tu veux de l'eau ? Je bois depuis tout à l'heure. Ouais, c'est Noël, il fait froid. Bref. Tu vois au sapin ? Et donc Daniel Kim oui. en fait avait un concept jusqu'à 2013 en fait j'ai appris du coup je me demandais ce qu'il était devenu mais ce qu'il avait arrêté qui s'appelle Pop d'anthologie qui en fait est une sorte de remix de toutes les musiques de l'année en fait il faisait ça chaque année jusqu'à 2013 en fait il faisait une sorte de gros mashup des musiques pop de l'année et c'était très stylé c'est YouTube Rewind ton truc. C'est plus les tendances à la radio et compagnie. Et en fait, du coup, il a arrêté en 2013 parce qu'en fait, non, il a arrêté, je crois, en 2015. Mais en fait, c'est 2014 et 2015 ont été virés de YouTube à cause des droits de YouTube en termes de composition sonore. Et du coup, il a un peu ragé, du coup, ça l'a saoulé, il a arrêté d'en faire. Et là, il en a ressorti un cette année, c'est pour ça que j'en parle, qui est Pop d'anthologie, les années 2010, enfin, decades, comment on peut dire décennie. La décennie, ouais. Ouais, ouais, la décennie 10. Le 2010. Et qu'il n'a pas sorti sur Daniel Kim, en fait, il l'a sorti sur son autre chaîne, je ne savais pas qu'il avait fait une autre chaîne, qui s'appelle We The Kims, qui est sa chaîne avec sa femme. Et voilà, donc c'est une musique d'anthologie de toute la décennie. Très bien. Et c'est pas mal. Et en fait, du coup, pour contrer le bot YouTube, ils l'ont fait. J'allais dire, ils l'ont fait ils l'ont reprise eux-mêmes. Mais non, en fait, ils ont juste fait du lip sync, je crois. Bien vu. Donc allez voir. Pop d'anthologie 10, vous tapez sur. Vous tapez Pop d'anthologie, vous trouvez de toute façon. Voilà. Je vais garder. J'avais une autre chaîne YouTube, mais je pense que je vais la garder pour plus tard, du coup. Garde-la pour plus tard. Théo, tu veux ou moi ça va pas être une chaîne YouTube. Il a trahi le concept. Je crois que c'est quand même on l'a pas autorisé. Un petit peu sur YouTube. Si c'est diffusé sur YouTube, ça va. Je crois que c'est. Je suis pas allé voir en fait. On va vérifier. De toute façon, je regarde plus trop. Si c'est pas le cas. Je regarde plus trop YouTube, donc ça va. Oh le mec. Mais c'est alors c'est quand même incroyable. Tu regardes quoi quand tu dis ça? Ta race. C'est genre quand je dis ça, j'ai l'impression, tu sais, que je vais avoir des remarques du genre, enfin du genre très condescendante, du style oh ça va. genre celle que je viens de faire. Ouais. Il me semble. Je crois qu'il l'a fait avec humour. Oui, mais j'avais compris. J'adore l'humour. C'était très rigolo. Turbo rire 2000, on rappelle. Ah, bah, quand même. C'est dans le nom. Voilà. Vas-y, pardon. Et du coup, c'est un podcast. Oh. Parce qu'en fait, vous en faites un. Oh. Et on est en train d'en faire un. J'ai fait... Bah, j'avais même pas vu. Oh, bah, moi, ah, bah, j'avais vu le petit gâteau, moi, j'avais pas vu. Qu'on embrasse les tickets. Et voilà, c'est un podcast en anglais, par contre, qui s'appelle Philosopher is This. C'est un podcast de philosophie. Ok. C'est très intéressant. Philosopher is This. Okay. Ouais. Il a commencé en 2013. C'est Stephen West qui le présente. Je le connaissais pas avant, donc je pense que. Ah, je croyais que c'était un pote à toi, pardon. Non, ouais, c'est un pote. Ah. Il est grave. Le frère de Kanye West. Exactement. c'est lui, voilà, il est là. Exactement. Et non, mais c'est vachement intéressant parce que. Enfin, il a fait 350 épisodes à peu près. Ah, alors que nous, on en est au 13e. Hein. Non, 11e. Il suit les. Comment dire. Enfin, c'est tout de manière chronologique, donc. Je sais pas, les 50 premiers c'est sur l'époque pré-socratique, après ça dérive sur le Moyen Âge et tout ça. Et en fait, il prend des philosophes à chaque fois, il explique les grands concepts, toute la philosophie de un peu en accéléré, mais du type qu'il a étudié. Et c'est assez vulgarisé, mais pas abruti non plus. D'accord, ce que j'ai été demandé. C'est, oui, moi aussi, c'est pas de la vulgarisation de base en disant regardez tel concept, ça correspond à ça. Ouais. Ça veut dire que quand vous allez faire vos courses, bah, vous allez penser à ça. Ouais. Non, c'est autre chose que juste. C'est un peu plus fin. Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est assez intéressant parce que en même temps, il mêle ça avec des ouvrages que tu peux lire ou voilà. Et Jean-Marc Lévy. Non. Dommage. Ni BHL. Non plus. Ah, dommage. Et c'est mort pour moi. À la fin, il finit généralement sur une question que tu pourrais te poser, je sais pas, dans toi à l'époque actuelle, mais qu'aurait pu se poser aussi la personne qui l'a étudié pendant l'épisode, ou c'est une question, un paradoxe ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vachement bien. Très bien. Ouais, très cool. Waouh, ça change du ton de Powercast. Hein. Oh là là. Quand même un minimum accessible pour les gens. Ah oui, carrément. Faut comprendre l'anglais. Ouais, faut avoir un niveau d'anglais quand même. Faut juste. Ouais. Après, ouais. En soi, c'est quand même. B1. Facile, c'est pas non plus un niveau excessif, ouais, mais non, franchement, ça va, c'est pas non plus ça passe. Un truc, pouvez-vous rappeler le nom? On demande dans le chat, c'est philosophie, philosophize this, c'est comme philosophies, Z2 à la fin, this. Voilà, bon, comme ça, vous l'avez, voilà. Très bien. Jules, à toi. C'est à mon tour. Cool. Moi, je vais recommander la chaîne Chroniques éphémères, c'est un peu de la triche parce que c'est des copains à nous. Copains d'école, c'est la chaîne de, Kiki. En tout cas tenue par Mélusine et Maxime Bonzi, oh. Qui ont fait un concept très cool qui est que en fait ils vont tirer des contraintes que vous pouvez tous, vous toutes et tous dans l'internet, vous pouvez leur soumettre sur leur site en fait des contraintes. Donc il y a un mot à placer, un objet, un genre et doit y avoir encore un autre truc. Que j'ai oublié, mais voilà. Peut-être. Costume de poireau. un personnage, t'as dit un personnage. Je crois qu'il y a un personnage. Oui, c'est possible. Ouais. Et un costume d'agrafeuse pour de l'heroic fantasy avec le mot bonsoir, par exemple. Ouais. Et voilà. Et pour l'instant, je crois qu'ils en ont fait deux que j'ai regardé. Et c'est franchement pas mal, en fait, pour le concept. Et ça manque de vues, moi, je trouve. Hein, ça manque de vues, je suis d'accord. Et allez les voir et n'hésitez pas à les soutenir. Je ne sais pas s'ils ont un Tipeee, mais c'est bien possible. N'hésitez pas à les soutenir. De toute façon, avec vos vues, soutenez-les. Oui, voilà, c'est déjà ça. Faites-leur des retours et voilà. Ils sont très contents et voilà. Très cool. Ça s'appelle comment, t'as dit ? Chronique éphémère. Voilà. C'est français. Ah oui, ça. Même ça a l'air. Tu veux que je pose ce cadre vert? Ah oui, alors, ouais, parce qu'on le voyait pas assez. On remercie Mélusine. Ouais, on n'arrive pas à le voir. Je sais pas où on peut le mettre. Je vais garder mon bras comme ça. C'est Mélusine qui nous a fait un petit cadre en. Comment on appelle ça? En ficelle? En fil. Sans doute. Turbo Rire 2000, voilà. On l'embrasse. Elle écoutera sûrement le replay. Voilà, on va passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? C'est la rubrique de Théo. Et un jingle, s'il vous plaît. La rubrique de Théo. La rubrique de Théo. Wow. Voilà. La dernière fois, en fait, Théo, t'étais un invité solo. La dernière fois que t'étais venu. Et du coup, tu nous avais proposé de faire une rubrique. Je crois que c'était toi qui allais proposer. C'était plus une petite blague. Je fais, oh, la prochaine fois, ça peut être marrant, machin. Et j'ai oublié la chose. Ouais. Et puis, vous me l'avez rappelé. dis donc, ça ne serait pas de faire un sacrabec. Voilà. Et il avait fait une chronique sur le Poitou-Charentes. Exactement. Qui avait plu à beaucoup de gens. Oui. Maurice Lecoq. Avec Maurice Lecoq. On rappelle le coq. Ouais, ouais, c'est on l'embrasse. Incroyable. Donc là, tu reviens avec une nouvelle rubrique. Ouais. On te laisse la présenter. Vas-y. Alors, ça a moins de portée humoristique que la suivante. Mais. T'inquiète pas. Ah oui, mais si vous voulez, vous pouvez faire des petits proutes comme ça. Oui. Pour rendre le truc un peu plus rigolo. Parce que c'est toujours rigolo. Je mets des petits Denis Brognard de temps en temps. Ah ouais, vas-y. Ah oui, quand il dit un truc intéressant, tu mets Denis Brognard. Évidemment. Je le notifie. Ah ok, vas-y, on te laisse, ouais, on te laisse présenter. Ah, oui, c'est bon, c'est prêt. Il est bien. Il est prêt. Il est prêt. Bah oui, mais c'est la magie des fêtes de fin d'année qui est enfin arrivée, les amis. Oh, ouais, enfin, pouvoir bouffer et consommer à outrance sans cet horrible sentiment de culpabilité. On va enfin pouvoir prendre de bonnes résolutions pour se permettre d'agir comme des connards le restant de l'année. Exact. Et on va enfin pouvoir offrir à son tonton ivrogne un turbouchon en forme de bite. Pour lui signifier que... yes. Pour lui faire croire qu'on tient un petit peu à lui, alors qu'en fait, c'est pas tant vrai que ça. C'est vrai. Et surtout, on va pouvoir oublier toute notion d'excès et se dire à la fin du repas, ça fait du bien un peu de bûche glacée. Ah ouais, on met tout. J'adore Noël, c'est trop bien. C'est faux. Ah, et Ah putain, t'aurais pu caler ça. Vite. Arrêtez. Oh là, alors. Ah, ah bien, tu l'as super bien calé. Non, parce que j'ai essayé de changer d'application pour avoir d'autres sons en fait, c'est pour ça. Pardon. C'est moi. Ouais. Et voilà, donc qui dit repas de Noël dit famille qui s'embrouille au bout de 30 secondes, dit putain, j'ai envie de me barrer au bout de 30 secondes, et enfin dit débat politique de comptoir avec argumentaire BFM. Yes. Et généralement, ça dure pas plus de 30 secondes. Généralement, t'es pas d'accord avec toi. Et c'est ça, voilà. vous êtes trop nuls. En ce moment, en plus, il y a de fortes chances pour que ça tourne autour de soit de la réforme des retraites, soit du Macron ou du Trump. Alors que c'est Noël, vraiment. Ou alors, si on a de la chance, de Greta Thunberg, parce que je ne sais pas si vous saviez. Non. Mais elle a été élue par le Time personnalité de l'année pour 2019. Alors là, en compétition avec Balkany. Ah oui. J'aimerais juste qu'on s'arrête deux secondes là-dessus, parce que les gens qui ont été élus, enfin qui ont eu ce prix au fil des ans. Oui. Il y a du lourd, c'est incroyable. Je sais même pas qui il y a eu, alors vas-y. Alors, qu'il y a déjà un monsieur qui dit China. Est-ce qu'il y a Trump? Ah, c'était Trump. C'est Trump. Ah, ouais. Et ben, tu verras. Ah, pardon. Alors, déjà, le prix il a été créé en 1928 sous l'appellation Homme de l'année. Oui. Alors, ça commence hyper bien. Ouais, ouais, ouais. Ça commence trop bien. C'est le journal Le Time. C'est le Time, ouais. Le Time. Et je comprends pas la logique en plus parce que en 36 il y a eu une femme, Wallis Simpson, qui a reçu le prix de l'homme de l'année. Ouais. De l'homme de l'année. Sympa. Et excellent. En 78 le prix il a été décerné aux Américaines de manière générale. Voilà. Voilà. Ouais. Les Américaines ont reçu le prix d'homme de l'année. Vous êtes vraiment les hommes de la situation. Hein. C'est en quelle année les Américaines quand t'es en 78. Ah ouais. D'accord. Et je comprends pas la logique là-dedans. Oui. Puis voilà, puis après quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on découvre que Hitler a reçu le prix en 38. Yes. Eh bah au moins c'était un homme. Ouais. Hein. Putain, c'est ouf. Ouais. Ah, il est marrant. Ça. dans le même style aussi, on a eu Pierre Laval en 1931. Pierre Laval, c'était un. Vous voyez pas qui c'est? Non. Un grand collaborateur. Pierre Lapin, en fait. Un grand collaborateur, grand pote de Pétain, tout ça. Ah ouais. Okay. Alors que l'année d'avant, c'était Gandhi. Ouais. Bah oui. C'est du tout au débile. Tout, ouais. Voilà. Donc voilà, au risque de me répéter, je comprends pas la logique. Ensuite, en 1939 et en 42, on a eu Staline. Yes. Un grand pote. c'était bien placé. Très bien. Et aussi, il y a eu une flopée de présidents américains, parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un nouveau, il devenait personnalité de la New Time. Ouais. Tu connais pas leur nom? C'était juste pour faire le villageois déçu de Minecraft. Voilà. Oui. Si, il y a eu le Trump là. Voilà. Pour moi, c'est une trompette. Et voilà. Alors, un truc, qui est assez drôle, c'est qu'en 82, c'est l'ordinateur qui a été choisi. L'homme de l'année. Ouais. L'objet, quoi, l'ordinateur. En fait, c'est plus, même plus tellement vexant pour les femmes, le truc d'homme. Ouais. En fait, c'est plus. Et en 88, c'est notre chère planète Terre qui a reçu le prix de planète de l'année. Ah, planète de l'année. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est vrai qu'elle est trop forte. Mais c'est débile. C'est complètement con. Oh putain. Ah ouais. Encore une fois, je sais pas si vous avez la logique, moi je l'ai pas. Non. Ensuite, en 98 aussi, il y a eu un truc assez marrant, c'est qu'il y a eu deux gagnants. Ah. Il y a eu deux gagnants aussi auparavant, mais ceux-là, c'est vraiment. C'est débile, ils sont complètement cons. Il y a eu Bill Clinton et Kenneth Starr. Qui est Kenneth Starr? Alors, ouais. Kenneth Starr, c'était un procureur indépendant sur le dossier de Monica Lewinsky. Et vous savez qui c'est, Monica Lewinsky? C'est la meuf de. Enfin, pas la meuf de Bill Clinton, mais. C'est, voilà, c'est en gros, il a eu une relation sexuelle avec elle. Et en fait, Kenneth Starr, c'est la personne qui a promis l'immunité. Enfin, pour résumer très rapidement, c'est ça. Kenneth Starr a promis et a assuré l'immunité à Monica Lewinsky pour qu'elle puisse parler. Ouais. Et grâce à elle, ils ont pu prouver la culpabilité de Bill Clinton. Okay. Et les deux se sont retrouvés gagnants en 98. Ils se sont serrés la main et voilà, c'est ça. Ils ont porté une médaille. Ensuite, en 2005, le prix a été décerné au Bon Samaritain. Je vais aller boire un coup et vous allez deviner qui il y a dans les Bons Samaritains. Alors, un Bon Samaritain, c'est une personne en principe qui a fait des choses bien pour l'humanité, donc. Ouais. Martin Luther King. Non. Bruce Willis. Non. C'est en quelle année? C'était dans le film. Hein. Le Bon Samaritain. En 2005. Ah, bon. 2005. Ouais. En 2005, Charlie Winston. Alors, je vous le donne. Ouais, dis-le. Il y a Bill et Melinda Gates. En fait, ils sont trois. Donc il y a les deux là. Et il y a Bono. Bono. Bah oui, parce que Bono. Qui n'est pas l'énorme merde, la plus grosse merde de l'univers, mais. Parce que Bono, en concert, un jour, il a fait ça. Il a arrêté le concert en faisant ça. Il a fait. Chaque fois que je claque des doigts, c'est une personne qui meurt en Afrique. Ah. Ça, oui, il méritait vrai vraiment son prix. Il a raison. Wow. C'est vraiment une super personne. Tu peux faire ça avec plein de choses en fait. Quand tu claques des doigts, il y a. C'est une goutte qui tombe de mon navier. Des gens qui marchent. Oui. Ensuite, l'année suivante, en 2006, le gagnant, ça va vous faire plaisir parce que c'était vous. Oh non. Si, c'était vous. Le Powercast? Quoi? Ça peut en faire partie parce que c'est sous-entendu tous les créateurs de contenu sur internet. Oh. Et ils ont fait une liste quand même en 2006 qu'il y avait. Et il y avait un français, c'était Camini. Parce qu'en 2006, t'as dit ouais. En 2006, il y en avait deux, il y avait Rémi Gaillard et Camini. Ouais, c'était les seuls d'internet, carrément. Il y avait pas Tous C'est Normal. Et donc Camini a été élu. C'est trop bien, je suis hyper content. Il le mérite. Il est trop stylé, Camini. On l'embrasse, il écoute les bits. Il le mérite. Et donc voilà, puis ensuite il y a eu des gens assez cool, du genre Poutine, Zuckerberg, Merkel. Ensuite en 2016, c'était le Trump. Ah bah. Et voilà, et enfin, il y a eu Greta en 2019. La bonne Greta. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien là quand je parle? Ou est-ce que c'est pas assez? Très bien. Tu peux te monter un petit peu, je pense. N'hésite pas à monter le potard. Ah là, t'es un peu fort. Là, je crois. Non, ah là, c'est bon. Ok, continue Théo. Salut. Ça va? Ouais, donc Greta, c'est une pote, une sista quoi. Ouais. Mais il n'y a pas tout le monde qui la considère de cette façon. Et pour le prouver, je vous ai fait un petit jeu. Un petit jeu. J'adore les jeux. Alors, j'ai recueilli vite fait sur l'internet quelques commentaires, quelques posts haineux qui sont pas hyper sympas pour elle. Et le truc, c'est que j'en ai inventé moi aussi. j'ai mélangé les deux. Et donc, je vais vous les lire à la suite comme ça. Il faut deviner lequel est vrai, lequel est faux. C'est à vous de trouver la bonne réponse. Vous pouvez jouer dans le chat. Il n'a pas de nom ton jeu ? Eh bien. Il a un nom. Vous pouvez donner la bonne réponse en répondant info ou intox. Ah, je pensais que c'était genre commentaire ou commenteur. Allez, ah, bien, Jérôme aussi. Commentaire. Donc, et oui, vous pouvez jouer dans le chat pour ceux, pour ceux qui sont présents. Et par exemple, un petit exemple. Greta, t'es suédoise ou quoi? Alors ça, pour moi, c'est toi. Ouais, oui, c'est moi. Donc c'est intox. Voilà. bravo machin. Okay. Quoi? Alors aussi, les commentaires pris là-dedans, c'est de personnes un peu célèbres, pas juste de connards random. Genre, est-ce qu'il y a le Trump? De quoi? Le Trump, il est dedans? Oh, il risque d'être dedans, je pense. Ouais. Ouais. donc du coup tu viens de ouais, tu viens spoiler quoi. Non, pour moi c'est... Non, c'était assez évident qu'il allait être dedans. Non, ouais. C'est une merde. Et donc voilà. Donc c'est oui, c'est que des personnes un peu connues, c'est pas juste de des gens c'est pas des citoyens lambda quoi. Oui, voilà. Ouais. OK, on continue générique du jeu. Info ou intox. Info ou intox. C'était ça fait comme j'avais. Alors, il faut boycotter Greta Thunberg. Pour lutter intelligemment contre le réchauffement climatique, nous n'avons pas besoin de gourous apocalyptiques, mais de progrès scientifiques et de courage politique. Oh. C'est une vraie info. Ça ressemble pour à l'info. Pour moi, c'est info, ouais. Thibaut, info aussi. Non, ça ressemble à de l'info, ouais. On est sur de l'info. Je dirais. Eh ben, c'est de l'info. Bravo. Ah. Yes. Ah. C'est Guillaume Larrivé, un républicain à la con, un pauvre connard. Je crois que Théo partage un petit peu ses opinions politiques. Pauvre merde. Bien, juste bien, avant bien. Qu'on passe au suivant, on nous propose 10 secondes de Jackie Chan. Je vais pas les faire, j'ai déjà imité ZZ. C'est pas bonjour, c'est pas bonjour. Voilà. Il dit ça dans la série. 10 secondes. 10 secondes. C'est pas bonjour, c'est pas bonjour. Jade, ça va? Hey, t'as pas vu mon talisman du lapin? Ah, elle en reconnaît bien mieux. Ouais. C'est mieux. Waouh. Wow. Yes. Pas mal, non? Hein? Ouais. Je peux faire la même avec le talisman du serpent aussi. Hein. Non, mais on va s'arrêter là. Non on okay. Remercie Benjamin qui a proposé. Merci Benji. Pardon, excuse-moi, donc je t'ai coupé, tu peux passer à la suite. C'était un petit interlude. Alors, je respecte la liberté de penser, mais ne comptez pas sur moi pour applaudir une prophétesse en culotte courte, prix Nobel de la peur. Prix Nobel de la peur. Franchement. Ça pourrait être limite une intox, tu vois, parce que ça peut sortir de ce. Moi je pense prix Nobel de la peur, c'est toi qui l'as trouvé. Non, moi je dis intox, ouais. C'est totalement intox. Ah, c'est un vrai truc. C'est Julien Aubert, aussi un républicain, qui a sorti ça. D'accord. Formidable. Ouais. Ouais, on, dans le chat, Fabien Ufo, il a dit intox. Ouais. Oh la naze. On a tous eu. Je crois. Non, bah, alors. Les minicums seront quant à eux reçus au Sénat et Flipper le Dauphin dira son attachement à la planète au Conseil constitutionnel. Je crois que ce que la personne essayait de dire, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est une. C'est trop pour être de l'intox, je l'assure. Mon avis, c'est info, non. Mais j'ai peur. Il a pu l'écrire, ça. Ouais, moi, je pense intox, moi. C'est info. Moi, je vais. C'est une phrase factice. Moi, Oula. Je chill. Non, je suis le chat et je dis info. Ouais, moi aussi je dis info. Moi je dis intox. Eh bien, c'est une info. Oh c'est Jérôme de Verdière, un républicain, présentateur pour Radio Lac. Républicain à la con encore. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Putain, tu les détestes. On a compris. Je suis pas jaloux de Greta. J'aimerais pas avoir des TOC graves, une dépression infantile, un mutisme sélectif, un Asperger avec monoïdéation et des troubles alimentaires graves me conduisant à être minuscule. Attends, c'est quoi le rapport? J'ai rien compris. Elle a vraiment tout ça Ouais, elle a un Asperger, ouais. Oui, mais tout le reste. Ah non, je pense pas. Elle a voilà. Je me suis pas quand même, rajouté. Déjà, un Asperger. Définition. Elle a un aspirateur. C'est une forme d'autisme en fait. Je saurais pas comment. C'est un aspirateur, moi je pensais c'est incroyable. Le ménage avec son petit Asperger. Toujours, putain. Et oublie pas les coins. C'est horrible. On fait pas des blagues là-dessus. Voilà. Si. il faut dire du coup si. Ah non, oui, si c'est info ou intox là, on est d'accord. Info, moi je dirais info. Trop de trucs savants pour moi, je dirais info. Je dirais intox, moi. Un peu trop violent, je dirais intox aussi. Ah non, c'est info. C'est Laurent Alexandre, un médecin spécialiste en intelligence artificielle. Ah là, il fait de l'intelligence artificielle, il est malin. Mais est-ce qu'il a vraiment fait des intox? Peut-être que j'ai mis. C'est pas très intelligent comme Bonsoir. Alors. Oui. Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion, ni sourire ni rire, ni étonnement ni stupéfaction, ni peine ni joie. Elle fait songer à ces poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Pour moi, ça fait beaucoup d'infos à la suite. Là, c'est... On nous dit Trump. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai aussi pensé. Quand t'as dit cyborg, je me suis dit, on garde l'intelligence artificielle. C'est la première phrase. Allez, bah, info alors. Mais Trump, il serait pas foutu de placer le mot avènement dans ouais. C'est totalement vrai. Ouais, mais c'est traduit, alors ça peut être Trump, il l'a moins bien dit en anglais. Moi, je dis info. Ouais, je dis info. Moi, je dis info et je double parce que je dis que c'est Trump. Moi, je dis intox. Eh bien, c'est une info. Allez! C'est Michel Onfray. Ah. Michel Onfray qui est non pas un républicain mais un gros con. Ouais. Et avec du vocabulaire au moins. Voilà. Il a ça pour lui. Alors, dans ma génération, les garçons recherchaient les petites suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. Horrible. Ouais, mais je dis un tox. Franchement, t'embrasse Michel. Encore une fois, t'es capable d'écrire ça, toi. Ouais, mais... ça me fait mal. Non, ça me fait mal ce que t'as dit. Non, t'es capable d'imaginer une phrase aussi horrible. Voilà. Abusé. Info. Pour moi, c'est une intox. Intox également. Eh bien, c'est Bernard Pivot qui a sorti ça. Ah, Bernard. En fait, c'est que des infos. Ouais. Voilà. Ah, peut-être, oui, parce que c'est vraiment abusé ce qui va venir. Ah, putain. Bernard Pivot qui n'est pas un républicain, encore une fois, mais si vous me permettez, c'est un turbo gros con 2000. Ah, bah c'est sympa, il y a une petite référence. C'est pour sympa. Ça. On aime bien. Ça fait plaisir. Notre chaîne gros con 2000, bien sûr. Alors, Greta, Pivot 2000. Greta devrait travailler sur ses soucis de gestion de la colère et aller voir un bon vieux film avec un pote. Détends-toi, Greta. Eh, hey, ouais. Desserre ton slip, Greta. Info pour moi là. Du coup, non, bah oui, mais allons-y. Hein. Moi, j'ai eu info. Intox. Info, mais ça fait pas très politicien quand même. Je dirais info, mais de. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un truc. Donc c'est... Détends-toi, Greta. Ouais, peut-être. Et eh bien, c'est le Trump qui a fait ça. Ah ouais, ah ouais, bah, c'est beau d'avoir senti ça. C'est pas trop politique en vrai. Détends-toi, franchement. Greta. Tu vois, t'aurais pu sortir les mêmes phrases que Trump, selon moi. C'est le. Putain, mais. C'est... Je comprends pas. Ouais. Et enfin, on arrive à la dernière parce que. Hein. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais faire des onomatopées parce qu'il y a des insultes. Oui. Skiddy papip. Alors, quel prin. 16 ans, elle peut aller se faire prin. Elle est assez âgée. Bah non, bah du coup, c'est une info. Du coup. C'est une info. Et bah oui, c'est une info. C'est de qui? C'est un entraîneur d'une équipe de foot en Italie qui s'appelle Thomas Casalini. Ah, il me semblait, oui, il me semblait, je crois que je l'ai lu. Et dans un livre italien. Et voilà. Aussi, je pense qu'il fait partie de la troupe des Turbo Gros Cons 2000. Mais... qui sont en tournée. Oui. Sûr, dans ils ont leur podcast. Ouais, c'est ça, voilà. Ils ont leur propre podcast. Ah ouais, quand même. Un peu. Eh bah écoute, et merci. Face à ça, attends, excuse-moi. Ah, ouais, j'ai encore un tout petit truc que je voudrais aborder parce vas-y, que vas-y, c'est incroyable. Vas-y. Donc, vous avez sûrement entendu parler du phénomène Hockey Boomer. Oui. Oui. Qui est fortement lié à Greta. C'est une sorte de un peu de figure de proue. Du Hockey Boomer. Les figures de sirène sur le Saint-Anne de Barbe Noire. J'ai Greta. Sur le Queen Anne Revenge. Les Queen Yaman. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un article formidable. Ah oui. Enfin, je ne vais pas te parler vraiment du Hockey Boomer parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment cet article-là du Progrès qui est ouf. C'est Pascal Jalabert qui l'a écrit. Et il nous parle de ce phénomène. Alors attention. Vas-y. Je cite. Il y avait déjà les fléaux du sexisme, du racisme, de l'homophobie. Les jeunes générations ont développé une nouvelle forme de discrimination à l'égard des 55-75 ans, l'agisme. Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux avec le méchant OK Boomer, que l'on peut traduire par vieux con, analyse. Et mon OK Google, c'est sorti. Ah. Câble. Voilà, ça commence super. Hyper fort. Le analyse, il va être du plus bel effet, vous allez comprendre. Vas-y. Parce que, il nous explique ça, machin. Ensuite, il nous explique ce que c'est que l'agisme. Oui. Et après, il nous offre aussi une sorte de belle tranche de condescendance en nous parlant de ce qu'il a appelé le barbarisme angliciste. Je cite. Logique quand on est biberonné. Alors, ah oui, attendez. Il y a juste un truc, c'est que tous les mots anglais là-dedans ont été traduits entre parenthèses. D'accord. Oui. Logique quand on est biberonné aux playlists full de rap et de Marvel, addict au hashtag sur son clavier et au replay pour le kick-off de vos études supérieures ou de votre carrière. Et vous, les jeunes, avec vos Fortnite, vos dabs. Comment se passe ton kick-off, Clément? Il a traduit ça par quoi, kick-off? Tu l'as la traduction? Kick-off, il a pris coup d'envoi. Ouais, bah, ouais, voilà, il a traduit littéralement. Il ouais. fait un coup de fibre optique. Non, mais excusez. Ah ouais, il est dingue. Vous avez bien des gueules à bouffer des hamburgers sur les parkings, vous. Hein. Ouais, grave. C'est vrai. Voilà, donc après aussi, il nous dit que typiquement les boomers faisaient pareil. Qu'il y a apparemment une députée En Marche qui veut lutter contre l'agisme. Ah ouais, carrément. On s'en branle. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre Pacalou, il ouvre sa gueule. Alors, ce qu'il fait très rapidement, parce qu'en fait, il conclut cette partie-là par un OK Legends. En référence au OK Boomer, okay, en espérant d'être dans la vibe. Oui. Excellent. Ensuite, il nous dit que les boomers étaient privilégiés. Nanana. Puis il nous sort « L'agisme de 2019 est plus méchant parce que la viralité, la virulence, l'anonymat de réseaux sociaux ont transformé la moquerie en acharnement, la société en archipel de communautés, le débat en affrontement binaire, aussi vrai que l'informatique, c'est un plus. Hein. » Pour eux, c'est du cyberharcèlement. Oui. Ouais. Voilà, clairement. Et après aussi, il cite une ancienne ministre, c'est Michel Delaunay. Bisous Michel. Qui avait écrit un livre sur les boomers et qui nous dit, ils veulent surtout, en parlant des jeunes, ils veulent surtout placer l'écologie avant tout, y compris avant les principes républicains, avant le progrès médical et même avant l'emploi pour certains. Bon. Ça fait, en plus, ça fait vraiment genre, vous les jeunes préférez planter les arbres plutôt que trouver un travail. Là. C'est ça. Survivre, c'est tu veux dire con, ouais. Un peu, ouais. Potentiellement. Bon, on va pas rentrer dans ce débat de toute façon. Ouais, c'est Noël, hein, ouais, on va planter les sapins. C'est turbo rire ou pas? Mangeons des petits biscuits plutôt. Ouais, c'est clair. Franchement. Et à la fin, par contre, Pascal, il nous gâte. Ah. Il perd pas de temps parce qu'il en fait, il entame la conclusion de son article par les fans de Greta Thunberg, de Joule et de la trottinette électrique vont-ils grandir? Ah, ouf. Oh là là. Moi, j'adore la trottinette. En plus, c'est, à chaque fois, c'est les mêmes gens. Les fans de Greta Thunberg, ils aiment Joule et les trottinettes électriques. Ouais, c'est une sorte de pattern qui se répète comme ça chez tout le monde. C'est le cycle. C'est ça. Et après, pour finir sa conclusion, il fait une comparaison entre des bagnoles des années 80 en disant « Non mais vous comprenez, la Turbo GTI, machin, ça c'était à signifier la vie à 200 à l'heure. » C'était pas la Renault Zoé. Hein. Personne de nos jours ne comprendrait, je pense, oui. ce truc. Puis moi, j'ai pas compris. Une R7 à 1 litre 2, c'est quand même mieux que vos trottinettes. Et ah oui, alors là, petit effet, si vous me permettez. De style. J'ai oublié un nominé du Time. En 66, c'était les jeunes qui ont reçu le prix. Autrement dit, les baby boomers. Ah. Alors, je pense qu'on peut tous féliciter Pascal pour ce prix. Oui. Mais Oh, Pascal. Encore une fois, je comprends pas la logique qu'il y a derrière. Ouais. On comprend pas non plus. Mais bon, dans cette période. On va pas non plus. On n'est pas chez BFM là. Mais pas l'info, on continue. Ce qui est incroyable, c'est que Fox Media, tout le. Enfin, le groupe de Fox Media, ils ont ils ont déposé la marque OK Boomer. Et ils vont en faire une série. Oh, une série OK Boomer. Ouais. Oh, mais le truc, on a déjà arrêté d'en parler. Ça aura déjà plus de succès d'ici à ce qu'on tourne un pilote. Enfin. Mais en plus de. Enfin, ils sont hyper conservateurs. Fox Media, plus, ça a pas de sens. En plus d'être débile, c'est pas rentable. Oui. Et en plus, oui. Enfin bref. Affaire à suivre. En tout cas, merci pour ta rubrique, Théo, qui était très bien écrite. Oui, franchement, adoré. T'as une sacrée plume. Ouais, c'est moi te le dire. J'adore ta plume. J'adore ta plume. Est-ce qu'on enchaînerait pas avec un petit jeu un peu plus gourmand? Fun. Non. Arrête. C'était bien. C'était lourd, attends. Plus léger, voilà. Plus léger. C'est tellement bien que. Voilà, tu vois, alors tout le monde est lit. Non, un jeu un peu plus léger pour la période des fêtes. Contrairement au repas. Allez, je tire une carte. Je dois imiter les cigares du pharaon. Bah, tire-en une autre si t'arrives pas. C'est un peu tentant. Peu dur à imiter. Salut, je suis John McClane et vous êtes dans Piège de cristal. Voilà. Et pas si mal. Hein. Plutôt bien même. Merci. Piège de cristal. Bravo. Ouais, c'était. C'était Rambo 4. Alors mon jeu s'appelle. Ça existe ou ça existe pas ce téléfilm de Noël? Oh mon dieu. Donc voilà. En fait, comme vous le savez, à la période des fêtes, dès le mois de novembre presque, on a des films de Noël, des téléfilms de Noël à la télé qui passent tout le temps, à toute heure, sur toutes les chaînes hein, d'ailleurs. Et les titres sont assez fabuleux, je trouve. Ils sont très originaux. C'est un plaisir de voir un titre comme ça. Ouais. De quoi? De voir ce genre de titre, ça fait toujours plaisir. Tu te dis, je vais passer une très bonne soirée. Mais ça fait chaud. Une ça bonne fait... après-midi. Oui, c'est souvent ça. Quand même. Genre vers 15h. Ça fait chaud au cœur. J'ai envie de se mettre sous un petit plaid. Oui. Franchement, c'est frais quoi. Oui. Donc, je vous ai fait, comme le titre du jeu l'indique, une liste de quelques noms de téléfilms de Noël. Et j'en ai glissé quelques-uns qui n'existent pas de ma création. Oh. Et c'est un peu comme ton info ou un talk. Vous allez devoir me dire téléfilm ou téléfaux. Non. Je suis pas sûr de trouver, mais c'était pour avoir. Les créations de rubriques. Ouais, ouais. Voilà, vous faites ça, ok? Ça vous va? Ouais, allez, vous êtes prêts? Alors, est-ce que la guerre des guirlandes existe? La guerre des guirlandes, moi je dis que c'est vrai. Ouais. Vous dites téléfilm, vous ? Moi, je pense que. Moi, je pense que c'est un téléfilm qui se passe dans une maternelle et il y a une connerie. C'est une téléfilm, téléfilm, et toi ? Téléfaux. Téléfaux. Et c'est téléfilm, c'est un téléfilm. Merde. Alors. J'espère t'as que ça plus d'infos. J'ai pas plus d'infos, non. Moi, ça m'intrigue là. Mais vous me demandez de bosser. Ouais, non, c'est vrai, pardon. Pardon. Est-ce qu'un ex-mari en cadeau existe ? Oui, bien oui, sûr. Oui, c'est oui, complètement tu déballes ton cadeau. Tu déballes ton cadeau sous le sapin, c'est un ex-mari. Ouais, pas de chance. Oui, ça existe. C'est un évidemment. Téléfilm, tout à fait. Évidemment. Est-ce qu'un mari en cadeau de Noël existe ? Non. Genre, vraiment, tu déballes et là, un mari une bague. En cadeau de Noël. Moi, je dirais téléfaux, là. Moi, téléfaux, je te soupçonne de l'avoir inventé à la suite de l'ex-mari. À la suite d'avoir découvert l'autre. Et il existe. Ah, c'est la suite. Ça, c'est bien joué. Téléfoot, on nous dit téléfoot. Non, ouais, c'est. Non, non, il existe vraiment. C'est un téléfilm. Est-ce que Noël, ma mère et moi existe ? Noël, ma mère et moi. Alors ça. Noël, ma mère et moi. Non, non, Noël, non, Noël non, virgule, non, ma mère non, non, et moi. C'est trop. C'est totalement téléfaux parce que Noël, ma mère oui. et moi. Ça c'est... ferait trop. Voilà. Après, c'est peut-être la traduction. On t'a vu derrière ton petit micro. Regarde comme il est malicieux c'est... là. Hey, c'est peut-être la traduction française. Hein, parce oui, que bon. Souvent, c'est des téléfilms américains. Ouais, et vous dites quoi du coup ? Moi, je dis téléfaux. Téléfaux. Ouais, c'est un téléfilm. Ah, quand même. C'était une blague avec Noël, ma mère. Bien sûr, la poche des feuilles. Vous avez vu comment il est là ? Il a le nez tout rouge. À la base, j'ai mesquin. En fait, à la base, je voulais pas mettre de faux dans la liste parce mais que c'est, en fait, tous sont c'est vraiment que... incroyables. Comme mais en fait, j'ai eu la blague. Enfin, j'ai eu l'idée de la blague de Noël, ma mère. Je me suis dit, c'était drôle. Et donc, on sait. Les autres sont vrais, quoi. Voilà. Non, non, non. Et du coup, je me suis mis à écrire des faux. D'accord. Mais je vous dirai pas combien il y en a. Peut-être qu'il y en avait qu'un. Peut-être qu'il y en avait. Ah, je dis pas. Est-ce que les chassés croisés de Noël existent ? Oh, j'ai envie qu'il existe. Alors, attends, dans la vraie vie, ils existent. Ouais. Hein, les chassés croisés. Alors, c'est pas les juilletistes avec les. Attendez, les c'est quoi les chassés croisés ouais, c'est quoi chassés croisés, c'est les. Les... Quand il y a les bouchons sur autoroute. C'est relou. Voilà, est-ce que ça existe téléfilm ou téléfaux Copisant futile et tout colère. Dans le chat, on nous dit téléfilm. Les chassés croisés de Noël. Je veux dire téléfilm parce que je sais pas ce que ça veut dire. Téléfaux. Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Et toi, Théo, qui va départager ? Téléfilm ou téléfaux ? J'ai envie qu'il existe, donc ouais. Téléfilm. Ouais, il existe, ouais. Ah ouais. C'est de Noël. Je pense que juste ça se passe pendant les bouchons à Noël. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Oh non, on va rater le repas. Ouais. Est-ce que un Noël qui a du chien existe ? Oh ouais. Je pense pas. Putain, ah, t'aurais grave pu l'inventer ça. Hein. Ouais. Non, je pense pas. Si, regardez ses yeux rires là. Téléfaux. Moi, j'ai l'impression d'être très mauvais à ta chronique. Du coup, je vais faire vrai. Téléfilm, du coup. Comme téléfaux, t'as des yeux rires. Non, c'est téléfilm, il existe. Ah, oh, merde. Et l'affiche. Alors, ce qui est très drôle quand même, parce que j'ai cherché du coup sur Sens Critique, hein, la liste des films, des téléfilms de Noël, il y a eu une liste. Et il y a une liste de tous les téléfilms de Noël d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de temps à les lire. Trop de temps. Et en fait, toutes les affiches se ressemblent à peu près. Alors, en général, quand c'est des histoires de couple et compagnie, t'as vraiment le couple en gros plan devant et derrière, t'as deux, trois trucs. Sur un fond blanc avec tes c'est ça. Et en fait, tu pourrais vraiment tous les mettre à la suite, ça se ressemble de ouf. Est-ce qu'ils sont dos à dos? Non, ils sont vraiment côte à côte. Est-ce que genre il y en a un qui a un pied sur un cadeau ? Non, non, ça serait un peu un pied trop, sur tu vois. Sur la tête de son gosse. Allez, Jimmy. Mais un Noël qui a du chien, par contre, voilà, il y a le chien gros plan. Je crois qu'il sort du cadeau. Enfin voilà, bon. Voilà. C'est mignon quand même. C'est Noël, beau Noël. Ça. C'est est-ce que le procès du Père Noël existe ? Le pauvre. Putain. Le procès du Père Noël. Pas de chance ce coup-là. Parce que l'incarcération de la suite. Avec Balkany d'ailleurs. Est-ce que le procès du Père Noël, c'est oui. C'est une sorte de faute. Oui, je suis sûr que ça existe. Est-ce que les questions au gouvernement au Père Noël existent ? Oui, un peu pointu ce téléfilm. Alors, moi, je dis téléfilm et je pense que c'est un film qui se déroule dans le tribunal et le Père Noël raconte plein d'anecdotes et ça fait. C'est un film à flashback. Oh, ça pourrait. Ouais, c'est un film à flashback où il raconte toutes les fois où il a aidé les enfants et à la fin il est innocenté. C'est comme si c'était passé Citizen Kane, mais. Avec le Père Noël. Exactement. Alors, et vous, Père Noël, tout aussi gros. Téléfilm. Téléfilm. Non, téléfaux. Téléfilm. Non, c'est téléfilm, ouais. Allez, alors, je crois que l'histoire, si je me souviens bien. Oui, oui. Si je me souviens bien, je crois que c'est l'histoire d'un mec qui prétend être le Père Noël qui se fait arrêter. Du coup, t'as un avocat. Le personnage principal, c'est l'avocat qui doit défendre le Père Noël. Et voilà. C'est même pas le vrai Père Noël. Je les ai pas regardés pour le jeu. Prison pour moi. Est-ce que le téléfilm Beau-Père Noël existe ? Beau-Père Noël. Oui, pour moi, on il l'avait. Existe ouais. Totalement. Je l'ai chez moi. Je l'ai sur moi. En cassette. Sur moi. Ouais, une poche en non, je vais dire téléfaux, moi. Téléfaux pour Thibaut. Parce que ça ressemble un peu à Noël, ma mère, tu vois. Ouais. Il y a un jeu de mots en français. Ça, je moi, je l'ai chez moi. Téléfaux. Tu l'as vraiment ? Oui. C'est vrai ? Ouais. Bah, ah bah oui, je parce change. Qu'il existe. Ah merde ! Non, Thibaut, c'est trop tard. Non. Oh non. Bon bah d'accord. Ouais, il existe. Est-ce que j'en ai une grosse liste, mais ça va limite. Est-ce que Impossible n'est pas Noël existe? Oui, oui, oui. On dirait la campagne de pub de Noël ma mère. Impossible n'est pas Noël. Impossible n'est pas Noël. Oui, il existe. Ouais, ça... Ah pardon, je ouais, pas répondu, mais il existe, ouais. Téléfilm, ouais. Bah vu que c'était la campagne. Est-ce que Noël dans les bras de mon ex existe? Non. Quoique si tu l'aurais pas inventé celui-là, si si il existe. Bon, il a l'air chiant. Dans les bras de mon ex. Déjà ça a l'air chiant. Déjà ça a l'air chiant. Plus chiant que les autres, mais. Un Noël à chialer. Un Noël à chier. Non, vrai quand même. Non, faux. Faux. Faux. Non, il existe, ouais, Noël dans les bras de mon ex. J'ai changé trois fois d'avis. Je savais pas quoi faire. Est-ce que le Père Noël et sa grosse hotte existent? Waouh. Attends, non, téléfilm, ça peut pas être des films porno. Ah, oui, j'ai pas porno. Dit. Ça se trouve, c'est genre, il passe sur TMC à 2h du mat. Ou il passe sur Canal Plus en crypté. L'énorme sexe du Père Noël. Téléfilm et sa grosse. C'était le Père Noël et sa grosse hotte. C'est téléfilm, ouais. Téléfilm, ouais. Enfin, ouais, téléfilm à 3h du mat. Téléfilm, du coup. Alors, non, il existe pas. Oh. Alors, je suis pas allé vraiment vérifier partout. Peut-être qu'il existe. On va le faire chez moi. On va le faire du coup. Oui, mais c'est toi qui l'as tourné. En soi, peut-être qu'il existe sur un site porno quelconque. Je l'ai chez moi. Mais tu l'as. Écoutez, on mettra le porno en rediff. J'adore le téléfilm de Noël. Est-ce que Jingle Bell existe? Bell, B-E-2-L-E. Oh, c'est la belle, quoi. Oui, Jingle oui. Bell. Oui, mais c'est, ouais, c'est le genre de jeu de mots beaucoup trop crédible. Oui. Ouais. Quelqu'un qui va essayer de. C'est une comédie romantique à Noël. Ouais. Ouais, il existe, ouais, Jingle Bell, ouais. Et je sais plus le titre original, je crois rien à voir. Mais... Et on nous dit, ah oui, en titre téléfilm X, le Père Noël en a une dure. C'est la parodie de. Bienvenue à Thierry Finesse qui nous accompagne ce soir. Est-ce que Papa par intérim à Noël existe? Oui. Papa par intérim. Moi je pense oui. Papa par intérim. C'est comme, tu sais, c'est comme papa machin en mode d'emploi, papa à plein temps. Ouais, c'est vrai ça. Il y a trois fois pas au début. Et en même temps, Clément a fait beaucoup d'intérim. Ça se peut que ça lui ait pas. Non, téléfilm. Ouais, il existe, ouais, c'est un téléfilm. Yes. Est-ce que Noël parfait pour couple imparfait existe? Noël parfait pour couple imparfait? Oui. Oui. Moi je dis oui. Quand tu dis. Pour couple imparfait téléfaux. Ouais, si. Téléfaux pour moi. Ouais, il existe. Il existe, mais ça doit pas être ouf, quoi. Noël parfait pour couple imparfait. Oui. Je suis déçu. Est-ce que un Noël rouge comme l'amour existe? C'est trop, moi je dis non. En fait, la liste est un peu longue, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre autant, tu vois, je les trouve trop bien. Est-ce que un Noël rouge comme le nez de mon oncle alcoolique existe? Un Noël rouge comme ma mère. Ah, quand même. Comme Noël ma mère. Non, téléfaux. Non, il est faux. Téléfilm. Eh bien, il existe, oui, un Noël rouge comme l'amour. Tu sais pourquoi je le sais? Parce qu'à mon avis, là, il n'y a plus que des films qui existent. Est-ce que il m'a répondu. Ça sent le sapin pour le réveillon existe? Ah non, téléfaux, je retire ce que j'ai dit alors. C'est la suite du chassé croisé du réveillon. Oh oui. Ça sent le sapin, ça fait tellement. Ça sent le sapin pour le réveillon. J'allais dire ça fait film étudiant, mais c'est un film étudiant. Ça sent le sapin pour le réveillon. Non, téléfilm, moi je dis. Et vous? Ouais. Théo, il mange. Téléfaux. C'est un téléfaux. Ah, c'est bien joué. Tu m'as bien brain quand t'as pas répondu. J'étais en plein dedans. Désolé, j'aimerais que ça soit la suite. Est-ce que Noël, romance et coïncidence existent? Oh putain. Ah, c'est vrai qu'ils sont bien. Hein. Ça fait un peu cuisine d'indépendance. Oui, ouais. Ou le film de. Non, j'ai plus en tête. Est-ce que je peux repousser la table? Ah oui, rapprocher les deux milieux. Ça décale. Ah merde. Oula. C'est pas grave. C'est Noël. Il se passe rien. Tu peux redire le titre? Noël, romance et coïncidence. C'est un téléfilm. Moi je trouve ça sonne bien. Ouais. C'est un téléfilm. Pour moi. Ouais, c'est un téléfilm. Ouais. Allez, il en reste plus que deux. Allez. Est-ce que seconde chance pour une romance existe? Ça rime. Téléfilm en fait. Oui, seconde chance. Oui, parce que attends, seconde chance pour une romance. T'aurais pas eu l'idée de pas mettre le titre Noël ou un truc en rapport avec Noël quand tu l'as inventé? J'ai quand même fait ça sent le sapin pour le réveillon. J'aimerais bien que ça soit une pièce de théâtre. Attends, et c'est quand même l'auteur de ça sent le sapin pour le réveillon. Un peu de respect. C'est énorme ce petit. Non, une pièce de théâtre où à la fin, genre t'as les combien ça sent le sapin pour le réveillon. Tout son cœur de face. Seconde chance pour une romance, ça existe, ouais, c'est un téléfilm. Et enfin, est-ce que chapeau bas, Père Noël? Avec point d'exclamation, ça existe. Non, c'est de toi. Oh, bah. Téléfaux à 100%, c'est de toi pour moi. Théo, tout faux. Thibaut. Bon, vrai, allez. Et dans le chat, j'attends un petit peu qu'il y ait, parce qu'il y a un peu de latence. J'attends un peu que Hardeman qui est le seul. Ouais, il joue carrément, mais il est à fond dans le jeu. Mais je sais pas s'il a répondu à ses films au téléphone. Alors, chapeau bas, il vient de dire. Téléfilm. Chapeau bas, Père Noël. Ça existe, ouais. Oh, yes. Avec un point d'exclamation. Putain, bah, bien joué. On a gagné avec le bravo pour ce petit jeu. Les gars, j'ai oublié, oui, je voulais le faire au début de l'émission. Oula. C'est Noël. Ouais. Ouh, okay. Qu'est-ce que. Alors, avant, entre Thibaut et Théo, Théo imite R2D2. Bip. Thibaut imite R2D2. Bip bip. T'as gagné, Thibaut. Oh, ouais, carrément. T'as complètement gagné. Ouais, yes. J'ai juste sifflé, hein. Mais ça marche. Tu l'as bien fait. Oula, qu'est-ce que. Des empilebulles. Oh. Bah écoute, je suis passé chez Babou avant, oh, avant de venir. Un empilebulle. Théo, voici ton empilebulle. Oui. Qu'est-ce que c'est un empilebulle? C'est formidable. Eh bien, c'est un. Et Clément, voilà, oh, le tien. Non, c'est un empilebulle Captain America. Oh là là, C'est des. Ouais, t'es un amour. C'est des. Alors. Je vais être beaucoup moins en amour, ça coûte 75 centimes. Je vous le dis. Mais c'est l'intention qui compte. C'était chez Babou, je vous rappelle. En fait, c'est un truc pour souffler des bulles, ouais, sauf que les bulles peuvent s'empiler. Un empile-bulle, quoi. C'est pas, ouais, ouais, non, je peux pas faire mieux. Et c'est marqué combien de bulles arriveras-tu à empiler? Ah, alors, c'est la, ouais, grande question qu'on se pose tous, ouais, en cette fin d'année. Ouais, 2020, on arrive, mais avant, combien de bulles? Mais quoi, il faut. C'est écrit en néerlandais, j'aime bien. Ah ouais, c'est bien. Oui, tu l'as lu en l'entendant. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. C'est un petit bulle, ouais, enfin. Mais merci Jules, beaucoup. Mais t'as craqué le porte-monnaie, enfin. Bah, vraiment pas, parce que 75 centimes. Il est fou, ce type. Et il a pris ça dans le budget du PowerCast. Hein. J'ai vu ça. C'est... J'ai vu qu'il manquait 3 euros. Je l'ai déclaré en note de frais. Oh là là, ah, c'est la fête. Pendant ce temps, je vais manger un petit bonhomme. Voilà. On embrasse les enfants de l'école Nelson Mandela qui nous ont fait des petits biscuits. Ouais. Donc vous les offrez, je vais faire une entrée de champ de ce petit bonhomme. On va le sortir. Voilà, vraiment, clairement, par contre. Ah bah voilà, on voit mieux le petit bonhomme. Et je vous propose un truc. On essaiera l'empile-bulle. Ouais. Après l'émission, ouais, on filmera et on le mettra en bonus de l'émission sur YouTube. Excellent. Ça va? Allez, on fera ça. Sachant que je sais faire plaisir à mes téléspectateurs. Vous savez que je déteste en plus ce genre de truc parce que c'est le genre de merde en plastique qu'on va acheter dans 2 jours. Oh non, moi je le garde en souvenir. Attends, moi dans mon cœur, il y sera toujours. Et alors ce petit cadeau. Meilleur gens de la Terre après Ryan May. Quand même. Merci. Super film de l'année selon Time. Ouais. Voilà. Ce petit cadeau nous permet de faire une transition avec le thème de l'émission qui est donc normalement spécial Noël. Les 4 quarts. Mais en fait, on va un peu resserrer sur les cadeaux et les jouets et les jeux en fait. Oui, en gros, bien. Parce que voilà, c'est Noël, hein, on offre des cadeaux. Oui. Avec voilà, on a un peu divisé ça en plusieurs parties et on va commencer par une petite question déjà. Est-ce que vous allez, quand vous étiez petit, est-ce que vous faisiez une liste de cadeaux de Noël? Alors oui, oui et non. Ah. Ouais. Moi, en grandissant, en fait, je crois que j'ai commencé en faisant. Non, j'ai commencé avec les catalogues de jouets moi. Ouais. En entourant les mes petits jouets en général des trucs d'espions. Bah ouais, attends, ah ouais, incognito. À l'époque, tu voulais être espion d'ailleurs. Oui, et puis regarde, je peux encore le faire. Parce que tu travailles pour le KGB. Ouais. T'es caché. Je travaille pour Interpol. Qui ne sont pas des espions. Interpol. Interpol. Et ouais, ça peut, petit à petit, ça a évolué vers une petite liste. J'ai vu le chat, pardon. Oui, oui. Ça a évolué vers une petite liste tout à fait champêtre. Et vous, les gars? Oui. Non mais j'en ouais, tu fais une petite liste. Ouais, bah, mais ça m'a vite gonflé. Ouais. Mais et toi Thibaut juste après parce que c'est une autre moi j'avais commencé aussi avec des magazines entourer les trucs dans les catalogues, ouais, et après magazine porno de ton père. Ouais. j'entourais tout, ça faisait, c'était cool. Non et après j'ai très vite dérapé sur rien en fait, pas de liste. J'ai pas d'indication. Ouais, même ouais, c'est ça, vous pas vraiment d'envie, j'aime plus les surprises que les listes écrites quoi. Ouais, c'est ça. Moi, nous on faisait une liste avec mon frère et à chaque Noël pendant quelques années, on a marqué Nintendo 64, on l'a jamais eu. Ouais. Oh. Ah, aïe. Gros problème de riche. Ouais. Ouais, vous faisiez pas du scrapbooking à faire des petites découpes du magazine et tout, il y en a. Non, j'avoue, pas. J'ai jamais fait ça, beaucoup de recherches. J'ai jamais fait non plus. Ouais. Moi je faisais une liste, je crois, je listais et je mettais le numéro des pages. T'avais une wishlist Amazon. Ouais. Bon, maintenant j'ai plus une wishlist Amazon, bien plus pratique. Est-ce qu'il y a des cadeaux qui. On passe au suivant? Oui, hein, oui, bien sûr, non, mais enchaîne. Est-ce que des cadeaux vous ont marqué? Oui. dans votre enfance plutôt. Lequel? Dans mon enfance plutôt. Bah non, non, non, si ça peut être maintenant, mais en fait c'était pour te lancer. Quand mais tu veux, mais ça peut être les deux. Oui, en fait, oui. Ça peut être carrément les deux. Il y a 4 ans à peu près. Ouais. 4-5 ans. C'est mon frère qui m'a offert un tourne-disque. Oh, un lecteur vinyle. Un lecteur de type vinyle. Et ah bon, ça, putain, bon ça va, c'est l'émotion, c'est Noël. Prends un petit peu d'ampidule. Un gâteau sec là. Prends-toi une petite gorgée d'ampidule. Ampidule. Ampidule, très cher. Ampidule. Et non, mais il m'avait offert aussi un vinyle de Jacques Brel et un d'Aerosmith. Oh. Oh, alors ça, c'est ouais. Cool. Bah, du coup, je les ai poncés quoi. C'est depuis, puis j'arrête pas. Et tu vas aller les voir à Paris? Ils vont passer à Bercy l'année prochaine. Non, mais déjà je vais voir Paul McCartney. Ah, c'est une bonne chose. Ça va être bien. Lui ou son. Alors fais gaffe parce que par contre, apparemment, il oblige à être assis dans le concert. Bah les couilles. Tu peux pas te lever. Vraiment, genre, il paraît que. Oui, oui, non, t'as une ceinture. Non, non, mais il paraît que si tu te lèves, enfin, s'il commence à y avoir un peu des mouvements de foule, il arrête le concert, il se dit bah, asseyez-vous. Voilà. C'est vrai? Ouais, ouais. Apparemment, il l'a déjà fait, ouais, ça. Ouais. Il veut que les gens soient assis. Apparemment, c'est parce qu'il aurait sûrement peur de la foule. Enfin, c'est des séquelles un peu des Beatles où à l'époque tout le monde était fou. Oui, bah ouais. Et du coup, maintenant, il veut que tout le monde soit assis. Donc voilà. C'est fou. Le stade, c'est au stade de Lyon et ça va être rempli boomer. De chaises. Tu lui dis ça? Ok, boomer. Yeah. Voilà, ah, merde. Mais ça doit être un énorme concert, hein, par contre. Dans tous les cas, ouais, je m'en fous en fait. Ça va être le kiff. T'as dit Aerosmith et Jacques Brel. Et Jacques Brel. Ouais. C'était quoi vos meilleurs cadeaux de CD en fait? Oh putain. Ah bah moi j'en avais plein. Moi ils m'offraient souvent des petits disques. Bah, encore plus intéressant. C'est quoi le meilleur artiste qu'on t'ait offert? Enfin le CD, pas l'artiste lui-même. Je saurais pas dire. Franchement j'ai eu Woodkid. L'album de Woodkid était vraiment bien. Après je sais pas. C'était le premier album de The Raconteurs que j'ai eu en 2006. Et que j'écoute encore maintenant. Et sinon, ma grande sœur, il n'y a pas si longtemps, m'avait offert un vinyle de Bring Me The Horizon sans savoir ce que c'était. Ça va. Et elle m'a offert un vieil album où vraiment c'est pur metalcore, hyper scream et ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et elle a détesté, elle a fait mais c'est horrible. C'est trop méchant, putain. Et voilà, mais j'étais quand même content. Ah oui, Fabien nous dit dans le chat qu'il a eu l'album de Camaro. Oh merde. Oh yes. Qui revient d'ailleurs apparemment, il fait un concert. Camaro. Par exemple, ouais. Il était producteur pendant tout ce temps. De Chaim, ouais, notamment. Entre autres. Thibaut, moi, les CD, je crois que j'en ai jamais demandé, j'en ai jamais reçu. Je pense que le seul que j'ai eu recevoir, c'était genre Crazy Frog, tu vois. Un tu truc comme ça. Je l'ai eu aussi. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Mais je pense qu'à part ça, j'ai rien eu. Parce que j'en voulais jamais. Par élimination, ce sera le meilleur artiste que t'aies reçu. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment le meilleur. Eh, tube quand même, le tube. Revenons, si vous voulez bien, sur les cadeaux qui nous ont marqués. Ouais, tout à fait. Moi, je c'était Leur Désir, mais quand j'avais 10 ans. Excuse-moi. Oh, bah, je crois que c'était Aerosmith. Tu les aimes toujours, Leur Désir? Enfin, maintenant que... Bah maintenant que j'ai appris ce qui s'est passé, ça fait toujours un peu bizarre, tu vois. Ouais, oui, mais faut pas juger tout un groupe sur ce qu'un seul des membres a fait aussi, je pense. Non, mais maintenant c'est plus Leur Désir, Bertrand Cantat il a fait un autre groupe qui s'appelle Détroit. Oui, j'ai écouté ça. C'est pas ouf quoi. Oui, voilà. Ah, bon. Mais je pense qu'il y a aussi le côté genre qu'il a tué quand même quelqu'un derrière qui joue. Ouais, c'est toujours un peu bizarre. J'ai un peu peur de dire que j'aime bien. Moi j'ai eu un petit un cadeau que je pense tout le temps, c'est un petit jeu qui s'appelait Rayman 2, qui était tout formidable et je me souviens comme si c'était hier. Oh là là. Dans ma grande maison d'enfance. Non, je me suis levé. Quand on était petit, je crois qu'on pouvait avant que nos parents soient levés, nous on pouvait ouvrir nos cadeaux avant qu'ils soient levés parce que bon eux c'était plutôt grasse mat. Et nous, dès qu'on se levait, on fonçait sur le sapin. Voilà. Et j'ai eu Rayman 2 avec donc mon premier jeu PC à moi, avec une manette. Et j'ai passé des heures de fun incommensurables dans un univers enchanteur. Ça se voit dans tes yeux, t'as des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est non, beau. Ça c'est la cocaïne. Ça. Oh. C'est un shuriken dans mon œil. Et vous alors, mes petits, au lieu de bouffer là, les musophones ils doivent être ravis. Hein. Ah bah écoute. Le super cadeau qui a le plus marqué. Le cadeau que t'as préféré ou qui a provoqué un émoi, ta première érection peut-être. Moi je pense que c'était le cadeau que j'ai reçu là il y a un mois. pour mes 25 ans, je pense. Parce que il est juste symbolique et du coup c'est vraiment les cadeaux les plus beaux en général. Et je l'ai amené là. Ah. C'est. Et ouais. Non. Alors. Un anus artificiel. Il va mettre la main vers son derrière. Thibaut, c'est vraiment la meilleure personne du monde. En fait. Ouais, ouais, il va être dépassé par Yadney. Mais bon, ça va. Je viens de vous offrir des trucs. Je peux être la meilleure personne du monde deux secondes là. C'est symbolique. Il y a une histoire derrière. Mais merde. Du coup, j'ai eu de mes parents. Alors, pas que ça, mais c'est en prémisse, parce que là, j'ai pas eu le temps de retourner chez moi pour mes 25 ans, je ne sais pas ce qu'ils vont m'offrir, mais c'était en prémisse. Mmh. Et j'ai eu un doudou. Oh. Alors, pourquoi mais non. Un doudou? Parce que mon frère, qui a la trentaine, avait eu un doudou comme ça quand il était petit. Et moi, j'en ai jamais eu, par contre. Oh bah j'avais eu que des peluches ou des trucs comme ça. Ouais, mais pas de doudou attitré. Et pas de doudou attitré. Oh bah et mon frère, en fait, il l'a usé, il l'a mâché comme c'est pas possible, évidemment. Et du coup, à un moment, soit il a été perdu, soit il a été, détruit par les parents. Béné. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des maladies mortelles sans doute dessus. Tombé dans les sans doute. Et microcosme. Pour ses 30 ans, il y a pas longtemps, ils lui ont re-offert le même doudou à peu près qu'il avait. Quand il était petit, pour pareil symbolique. Et moi, comme j'en avais jamais eu. T'as chialé de jalousie. Non, même pas en plus. J'en ai voulu même pas. Attends, je suis grand. je suis grand. Ta gueule. Grand, oh. Et du coup, pour mes 25 ans, pour marquer le coup aussi, ils m'ont offert ça vu que j'en avais jamais eu. C'était hyper symbolique, ouais. Ouais. Du coup, j'ai un petit doudou. C'est trop chou. J'ai retrouvé mon doudou aussi l'autre jour. Je peux toucher sans avoir un tiroir. Ça va la syphilis. Bah non, je le suce pas. Mais voilà. Du coup, tout mignon. T'es vraiment, il est doux. T'es la personne la plus douce du monde. Il est doux. Oh, arrête. Tu es vraiment la personne de l'année. Veux-tu toucher le doux? Ah bah écoute. Ça, on aura tous mine. Sache que je m'attendais à tout soir. Sauf ça. Quoi. Ouais, moi aussi. Et bah je t'avoue que moi aussi, c'est ça qui surprend et c'est beau. Quand même, une PS4 c'est mieux. Ouais. Une PS4 c'est mieux. Une PS4, tu peux faire FIFA. Ouais, go, go. J'aime bien baver dans l'antipop aussi. Ouais, un peu. Et toi alors? Moi, en fait, j'ai plus pensé à des cadeaux que j'avais quand j'étais petit, bizarrement. Alors, parce que oui, en fait, les cadeaux récents, forcément, ça me plaît à chaque fois. J'ai pas de. On va y venir aussi. Enfin, on en vient après. J'en ai peut-être un à citer, mais on en parle après. Moi, c'est en fait à l'époque, c'était vachement les Lego et compagnie. Ouais, c'était ça, j'adorais. Ouais. Et en fait, il y avait un autre truc. Et en fait, c'est une chaîne YouTube. C'est encore une recommandation YouTube. Non. C'est une chaîne YouTube, en fait, quand on démarre l'accueil YouTube, ça te propose des vidéos un peu au hasard, tendance, bizarre et tout. Et ça m'a proposé, en fait, des vidéos d'ASMR visuel de Geomag. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais. Oui. C'est les évents et les petites boules. Et du coup, en fait, c'est une vidéo pendant un moment où un mec, en fait, a plein de Geomag et construit des petits trucs comme ça. Et déjà, c'est le roi de la récré. Et c'est tout. Et il y a 4-5 millions de vues dessus. Du coup, en fait, ça m'a rappelé ça. Et en fait, j'avais eu des Geomag quand j'étais petit et j'adorais ça. Ouais. C'était trop bien de faire des tours en aimant. Vraiment, c'est des aimants. Hein. Totalement d'accord. Pour moi, c'est une sous-merde. Moi, je faisais des Lego. Ah ouais, tu faisais les Geomag dégonflent. Alors, j'avais aussi les Lego. Des fois, je faisais des constructions en mélangeant les Lego et les Geomag. Et ça, c'était stylé quoi. C'était le futur. Et donc, ouais, je sais plus ce que j'ai fait de mes Geomag. Je les ai peut-être vendus tel un capitaliste de merde, un capitaine d'équipe. Est-ce que tu faisais des tours en aimant ton prochain? Allez, je prends une carte. Mais tu fais que piocher. Je suis totalement d'accord pour les Geomag. Le carnet est une ordure, on l'a déjà eu. Manie la mélancolie. Quoi? Je l'ai pas moi. Manie la mélancolie. Bah oui, enfin. Manie la mélancolie. Ça vous dit rien si je vous fais. Quoi? Tiens, une pomme de pain. Cid de l'âge de glace. Bien joué. Oh, ouais, d'accord. C'est juste parce que t'as dit Mani, mais oui, le reste. Ouais. Oui, bah, je sais pas faire les cibouilles. Non, mais pardon. Mais juste qu'on est trop con, on aurait dû trouver tout de suite. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez des Pox de vous? Pas vraiment. Moi, j'ai pas trop connu. Bah, pareil, moi, c'est mon frère, du coup. Ouais. Je vais les appeler. Pareil, c'était ton frère aussi, Théo. J'ai l'impression qu'il est en train de crever, Théo, ce soir. On va le perdre avant la fin. Tout ceci, en plus. Fin de l'émission. J'en veux bien une, s'il te plaît, Jules. Merci, c'est la pause bière. N'hésitez pas à vous hydrater. Depuis tout à l'heure, on voit Solène dans le fond. Hein, et voilà, elle est là, elle écoute, hein, toujours présente. Toujours debout. On l'a déconcentrée. Et toi, Théo, du coup, alors, un cadeau qui t'aurait marqué? Bah, il y a justement le tourne-disque. Oui, le tourne-disque. Mais est-ce que t'en avais plus vieux? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Enfin, il y a plus longtemps, peut-être. Il y a assez longtemps. Bah en fait, étant donné que j'ai jamais comment dire trop j'ai été enfant. Je suis né, j'avais déjà de la barbe. Ah ouais, ouais, ça se voit. Non mais j'ai jamais trop accordé une grande importance à des cadeaux parce que je savais que c'était par obligation qu'on les faisait. Oui, en soi, oui. Et toutes ces histoires de capitalisme, on rappelle. C'est ça. Donc déjà dans ma chambre habitant, j'avais un marteau et une faucille juste à côté que j'ai déplacé de manière à être croisé. Oui. Et on a l'image. Mais en soi, je sais pas, j'avais pas forcément de de grands cadeaux qui m'ont marqué comme ça à travers les âges. Donc tu es le candidat parfait pour ce podcast. En fait. Alors peut-être pour la rubrique, enfin la question d'après. Mais le meilleur cadeau, c'est le don de soi. Ouais. Mais tu sais que tout ce que je veux pour Noël, tellement, c'est toi. Waouh. Et bah d'ailleurs, je voulais dire que Noël dernier, je t'ai donné mon cœur et le jour d'après. Le 13 jours d'après. Tu l'as. Tu bah je l'ai tège ton. Il l'a balancé. Bah, c'est pas très sympa. Merde. Waouh. Ouais. Wow. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des cadeaux qui vont en revanche déçus? Tous. Oh oui. Tous. En... Moi j'en ai deux en tête. Vas-y Jules, vas-y, vas-y. Le premier, et alors il n'y a aucun grief parce que j'en ai déjà parlé à ma mère. C'est en fait j'avais commandé un avion télécommandé à ma mère. Donc oui. Alors pour vous, je veux juste savoir, qu'est-ce que c'est un avion télécommandé pour vous? C'est une sorte de drone en fait, comme on a. Voilà, oh, c'est ça, ouais, exactement, oui. C'est un avion, t'as une télécommande, ouais. Il vole, tu fais rien. Ah voilà, t'as la commande. Et en fait, le jour de mon. Donc, trop pressé. Et le jour de mon anniversaire, j'ai eu un avion qui ne volait pas. En papier, déjà, c'est dommage. Déjà, le concept est loupé d'un avion qui ne vole pas. Avec écrite, avec à avoir la moyenne, enculé. c'était un avion en fait relié par un fil à la télécommande. Hein? Non, non. C'était un bout de plastoc d'un avion qui pouvait déplier et replier ses ailes et qui faisait des bruits de mitraillette ou pas. Et il pouvait avancer à cette vitesse-là à peu près. Voilà, très très lentement. Oui. Et il ne volait absolument pas. Et sur le moment, j'ai fait « Mais il vole pas du coup !» C'est dommage. Un peu déçu et ouais. Je l'ai un peu gardé pour moi pendant un petit moment. Quoi. Et tu lui as dit du coup après bah là, je lui en ai reparlé parce que je lui ai dit qu'on allait faire ce podcast et je vais chialer. Oh, non, c'est pas vrai. Elle t'en a fait un bon cadeau de merde là. J'ai chialé pendant 3 semaines après tout seul dans mon lit. Et voilà, j'étais bien déçu. Et vous les concombres, un cadeau un peu pourri que vous avez jamais osé. Bah, moi, il y aurait les jeux vidéo que tu voulais certainement pas pour Noël, que des parents voient en magasin et qui se disent mais c'est incroyable. Les meilleurs records du monde. Le record du monde, par exemple, sur Wii ou. Franchement, c'est nul. Y a vraiment ce genre de jeu. Ouais, c'était nul. Et Avatar aussi sur Wii. Attends, Clément, toi qui as Koh-Lanta sur Wii, tu dois quand même en savoir un rayon. Ouais, mais là, c'est pour le délire. Alors que finalement, tout ce que tu veux, c'est un Mario quoi. Quand t'as une Wii, bah, c'est voilà. Clair, c'est clair. Bah non. Mais bon, ouais. À part ça, ça va. Je suis content parce que t'as pas cité question pour un champion. Non, ça va. Alors, on a joué. Clément. On aimerait trop faire un stream dessus en fait. Après, qu'est-ce qu'on avait fait, un Powercast aussi, non? On avait dormi chez toi. Je sais plus, une soirée. On avait fait une soirée avec Solène aussi. Et Clément a une Wii craquée, oh, ça va, on peut le dire. Wow. Et il a qui veut gagner des millions. Et c'est trop bien. Ouais, voilà. C'est super drôle. T'as vu, quand tu fais l'appel à un ami, oui. T'entends dans la Wiimote la personne. Ah, c'est trop bien. Et t'as vraiment Jean-Pierre Foucault qui a ses meilleures répliques qui sont enregistrées. Ouais, quand tu fais bravo. Ouais, il vous reste 30 secondes. Et surtout sur le devant, il a une Wiimote comme ça, Jean-Pierre Foucault. Ouais. Préparez-vous. Pro gamer. Ouais. Ah bah formidable, ouais. Moi ça me fait penser qu'on m'avait offert les Schtroumpfs sur donc la version Mega Drive que le joueur du grenier a testé. Moi ouais. Je l'avais sur PC je l'avais aussi, je crois. Une totale horreur. Je vais les pisser. Tu vas les pisser? Très bien. Tu es pas obligé de le signaler, mais vas-y. Peut-être que ça pourra te faire réfléchir à un cadeau. Tu croiseras peut-être ma soeur, hein, fais attention. C'est vrai? Elle est à revoir. Vous croiserez peut-être les jets. Ah wow. Et ouais, les Schtroumpfs imbuvables. Moi j'avais beaucoup aimé. Même quand j'étais petit, j'arrivais pas du tout, mais j'avais bien aimé. Le niveau 2 dans la forêt, t'es jamais allé plus loin, il me semble. Enfin, moi en tout cas. Ouais, peut-être bien. Je crois que si tu le connaissais. Il me semble. Il me semble, hein. Alors, que, on est d'accord, hein. Parce que le. Tu vois, en fait, dès que. Tu sais, les pommes. Ouais. Voilà. Non, bah, on va peut-être pas prendre la tête après ça. En fait, j'ai senti au moment où j'ai dit, tu sais, les pommes. Je me suis dit, ça va partir trop loin. Ouais, voilà. Ça va tomber en haut. On a Fabien dans le chat qui nous dit j'avais eu un hélico téléguidé, il s'est crashé le jour même. Ah non. Bah toi au moins il volait. Oui mais il a jamais revolé après. Ouais. Ouais. Ouais. Il a volé une fois. Oh là là. Ah si, un cadeau pourri aussi, encore télécommandé. Excusez-moi. Attention, qui te l'a offert de ma mère. Ah, Lyon. Non, mais il était très bien ce cadeau, mais c'est juste que c'est moi, j'ai mal géré. En fait, c'était, je crois que ça s'appelait le Twister Twister, et c'était une voiture télécommandée qui pouvait aller sur la neige, sur l'eau et sur le sable. Donc un truc trop ouf à l'époque. Ouais, pas mal. Sauf que moi, concrètement, chez moi, j'avais que du goudron. Et comme c'était un système de tourbillon pour avancer, je sais pas si vous voyez, en gros, comme une foreuse en fait. Ouais. Au lieu d'avoir des roues, t'avais des espèces de foreuses. Du coup, sur du goudron, ça faisait à gauche et à droite. Nul à chier. Ouais. Un an après, ils ont sorti la version qui volait en plus. Ultra nul à chier. Voilà. Moi, un cadeau un peu déception, mais en fait, c'est pas vraiment déception parce que je l'avais en soi commandé à Noël. J'ai une calculatrice scientifique. Mais c'est parce qu'en fait, je passais en S et. Je t'avais raconté. Et j'avais dit, voilà, vous pouvez m'offrir ça en cadeau. Ça coûte cher en fait. Une trousse, hein, non, double poche. Et en fait, après, ça m'a servi pendant toute ma scolarité. Bon, maintenant, c'est ma sœur qui l'a, je crois. Donc, comme quoi. C'est nul, mais c'est pratique. C'est ça, voilà. Ouais. Mais c'est juste quand tu ouvres le paquet et que tu calculettes, je fais. Ah, une calculette. Surtout que ton frère, il en avait pas une calculette. Mais en fait, il me fallait la nouvelle scientifique en gros. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Édition boomer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu à mes 18 ans aussi, j'ai une grande tante. T'as eu une grande tante en cadeau ? Une grande tante en cadeau ? Oui. C'est quand même incroyable. Ce jour-là. Elle m'a offert donc 18 ans, tu te dis ouais, t'es un peu grand machin, donc j'ai eu quand même des cadeaux trop cool, je sais plus ce que j'ai eu un instrument de musique. J'ai dû avoir des petits trucs multimédia, des jeux vidéo machin, donc trop content. Et elle m'a offert un livre Lyon, cité romaine. Donc un livre sur le passé romain, Luc Dudum, voilà, c'est ça. De Lyon, et je l'ai jamais lu concrètement, c'est ma famille qui l'a lu, il a fini au chiottes, enfin au chiottes, dans les livres que tu lis au chiottes, je veux dire, pas au fond du trou, et c'est juste quand même toute ma famille qui l'a lu, attention, bon. Joyeux Noël. Bah écoute, tu nous offres une bonne transition parce que c'est un peu le genre de cadeau qu'on offrait. Le top 10 des rots. Non, c'était pas le rot, c'était le cadeau. Ah pardon. Ça nous fait une bonne transition parce que c'était un peu les cadeaux. C'est un peu le genre de cadeau qu'on offrait genre aux anniversaires des copains quand on était à l'école. Putain. Je sais pas si vous vous souveniez. Si. Alors je sais pas si vous avez vécu ça, les anniversaires de copains. Attends, je te dis ça, mais c'est parce qu'il y a Théo qui revient pour qu'il l'entende. Je sais pas. Ça va. Il va tout de suite beaucoup mieux. Ça va vachement mieux, il a dit. Ouais, et du coup, il y avait les anniversaires à l'école des copains, quoi. Et genre, t'étais invité, tu devais trouver un cadeau à offrir. Et en général, t'offrais un livre, une BD, un truc comme ça, quoi. 100% une BD, à tous les coups. Ouais, une BD, moi. Ouais, il y avait beaucoup de BD. Moi, des fois, en général, ce qu'on m'offrait, moi, à mes anniversaires quand j'invitais des copains ou que j'offrais, c'était les BD, vous savez, à thème un peu. Genre, si t'étais un peu musicien, c'était les Musicos ou. Les Rugbymen. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, il y avait tous ces trucs. C'est Bambou, l'édition Bambou. Aussi. Bambou, ils faisaient ça. Il y avait plein de BD comme ça, de tous les métiers ou toutes les passions, quoi. Ouais. Et alors, coup, par contre, quand t'étais petit, il n'y avait pas tout le monde qui était. Enfin, t'avais pas les profs. T'avais les profs, les flics, les rugbymen, les pompiers. Ouais. Quand t'as 10 ans, concrètement. Bah oui. À part si le gamin a déjà envie d'être flic, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais il y avait genre les Musicos, les trucs comme ça. Ouais. Ça, un mug. C'est vrai que les BD, des cartes Pokémon, dès que ça a commencé à. C'était pas très cher, ça marchait bien. Ouais, c'est ça, oui. Les BD, une fois, j'ai eu un album de Calvin et Hobbes. Ah, et depuis, genre, j'ai trop kiffé et j'en peux plus. J'adore ce truc. Bah, Calvin et Hobbes, c'est très drôle. Enfin, c'est trop bien. C'est très bien écrit. Je connais pas. Non, je connais pas. C'est un petit garçon qui s'appelle Calvin, qui a un ours en peluche. Qui s'appelle. Imagine. Qui s'appelle Hobbes. Ouais. Et j'imagine qu'il est vivant. Voilà. C'est une peluche. Ouais, il est taré quoi. Du coup, il est fou. Bon, sa vie dans l'asile en fait. Tu vois, ce qu'il a fait. Il est en bulle. Super. Il est en bulle dans la chambre. Ouais, voilà, il y avait tout ce genre de petits cadeaux. Quoi. On était un peu obligés en soi d'offrir des cadeaux aux gamins. Et des fois, c'était les parents qui devaient, j'imagine, que c'était les parents qui devaient essayer de réfléchir à ce cadeau. Qu'est-ce qu'on va offrir à ce gamin qu'on connaît à peine. Je vais reprendre un gâteau, ils sont vraiment délicieux. Et régale-toi. Donald régale. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup. Non. Trouve en autre si tu le sens. Ouais, parce que j'avais le gonfle gentilhomme et voilà, tu t'as mis le coup. Oh là, c'est même pas une imitation, je vais vous le faire deviner quand même. Oh là, j'ai trop mangé, je pensais que je pourrais manger tout ça, mais en fait, je peux pas. J'ai eu un peu. Les yeux plus gros que le ventre. Eh, c'est gagné. Ah, yes. Bravo. C'est Jean-Pierre Foucault, il était là sur la Wii. Et ben, il te féliciterait. Merde, voilà. Merde. On enchaîne. Merde. Et Lionel, ouais. Je coupe un peu la rubrique, hein, Jules, hein, parce qu'il y avait des trucs que je les sens pas. Tu les sens pas? Voilà. N'hésite pas. On enchaîne avec les modes un petit peu. Alors oui, on en a vite fait parler avec les cartes Pokémon, mais c'est vrai qu'il y avait l'époque un peu Bionicle, l'époque Pokémon. Ah ouais. Du coup, on en parlait. Yu-Gi-Oh! Les Beyblade, voilà, on l'a noté. Vous aviez des Beyblade, vous? Ouais, moi j'en ai eu aussi. Il y en a une qui m'a littéralement pété le dent. Pété le dent devant, ouais. Comme ça. Oh, ça va, mec? Parce que... ah oui, ça va? Non, mais c'était une dent de lait, donc ça va. Ah bon, ouais. Ouais, c'est Noël. je jouais pas ça déjà à 18 ans, tu vois. Ah oui, ouais. Mais c'est qu'en fait, en même temps, j'étais super con. C'est que j'avais vraiment mis ma dent en fait en avant. Ouais. Tu dis à quoi bon se brosser les dents? Il y avait une sorte, enfin, c'était un rebord de fenêtre. Ouais. Il y avait un copain à moi qui était à l'autre bout, qui avait lancé son truc. Et il était allé comme ça. Je fais, ah, c'est trop drôle, je vais essayer de la prendre dans la dent. Et en fait, elle arrivait hyper vite. Ah oui, c'était voulu en fait. Ça, oui, pardon, j'ai dit quoi? Je vais essayer de la prendre dans la dent. Non. Du coup, dans la bouche. Du coup, ça marche. Je vais vraiment essayer de me faire mal. Je voulais l'attraper. Oui, c'est ça. Je t'ai attrapé avec les dents. Ah oui. Et du coup, en fait, bah, ça m'a juste niqué la gueule. Oui, évidemment. Ouais, pour des raisons. Moi j'en avais j'avais une Toupie Beyblade radio commandée normalement, enfin mais télécommandée non. Plutôt. Enfin t'avais une sorte de manette dessus pour la diriger et ça ne marchait pas. Non, en fait. Enfin, ça marchait pas non plus. T'avais beau faire droite gauche, la Toupie c'est une Toupie. Oui. Donc vraiment elle part où elle veut. C'est ça. Ah ouais, elle voulait aller vers la droite mais quand elle tournait tout le temps. Je crois que normalement ça dirigeait un petit peu l'angle. Mais quand ça se stabilise un truc qui devait. Étant donné que c'est dans une sorte de dôme à l'envers. Vous avez vu? Cuvette plutôt. Un dôme à l'envers. Un bol quoi. Ouais voilà. Vous les avez eu ces bols là? Non. Moi j'en avais un et je pense qu'il est sûrement par là. Il est peut-être derrière toi. Mais non. Il y est ou pas? Mais attends. Non, il y va. Attendez, je vois une cuve. Ah, attends, il voit une cuve. Restez là, je vois une cuve. Attendez, il voit une cuve. Mais non. Attendez, il a une cuve. Il a une cuve dans les mains. Oh oui, il l'a. Il l'a. Based il l'a. Bon, après, il doit y avoir plein de merdouilles à l'intérieur. Ouais, voilà, sûrement. Voilà, ouais. Bon, on l'a retrouvé. Je le remets. Formidable. Incroyable. C'est vrai, quand même. Putain, vous vous rendez compte, ici, c'est que des souvenirs. Ouais, c'est beau, que des souvenirs. C'est la chambre du plaisir. Ça fait trop plaisir. On enchaîne vite fait là, on va finir un peu la rubrique doucement. Est-ce que les cadeaux de Noël vous y prenez à l'avance cette question. Non. Cette année oui, mais c'est oui. Bien la seule année, je crois. Ouais. Bah moi à chaque fois je me dis il faut que je me prenne à l'avance et le destin c'est, fait que c'est jamais pas. Moi qui lance le bon alors qu'est-ce qu'on fait comme cadeau ah ouais. Toi on te motive à le faire. Ouais. Moi je suis j'y pense mais de là faire un message. Ouais. Ah ouais. Jamais. Démerdez-vous. Voilà. Mais j'ai des idées des fois. D'accord. Ça m'arrive. Et enfin, pour terminer sur un peu les jouets, hein, vous êtes un peu des collectionneurs, vous, de jouets et de figurines. Bah, ça fait revenir aux cartes Pokémon aussi et aux Yu-Gi-Oh. Ouais, vous collectionnez pour les cartes Pokémon. Collectionnier, ouais. Ouais. T'en as encore là, tu les as gardés Pokémon, j'ai tout vendu comme un gros naze. T'as évidemment. Vendu, t'as réussi à vendre. Moi, c'est. Ouais. Bah, c'est... Voilà, poubelle, j'ai malheureusement réussi à vendre. Ouais. Tu sais, un gros paquet énorme comme ça pour 50 centimes. Ouais. T'es beaucoup trop content. Mais non. Et Yu-Gi-Oh, il me reste juste quoi, 50 cartes, un deck quoi. Eh bah, je te dis, ramène ton deck la prochaine fois. Ah ouais, on mec. Va se la donner. Sauf qu'elles sont toutes écrites en japonais, j'y comprends rien du tout. T'as les originales alors. Certaines. Yo. Les cartes Pokémon et les cartes Yu-Gi-Oh, à l'époque, ça te faisait vraiment grimper dans l'échelle sociale. Genre, tu devenais un peu. Quand t'avais... Moi, je me rappelle à un moment, j'ai eu Suicune X. Ouais. Je vous dis, le Pokémon légendaire et brillant en plus. Ouais. J'étais un des deux seuls à l'avoir dans la cour de récré. Wow. On m'a respecté. T'étais le boss. C'est vrai que ça, dans les cours de récré, ça, ça en impose quoi. Et ouais, un fois. Petit gros les mecs sur le teco, on sait jamais. Quand voilà. Même. 160 PV, on connaît. C'est en train de ressortir les stats. Toujours pas compris les règles du jeu de cartes Pokémon. Absolument pas. Et pourtant, personne les expliquer un jour. Ouais. Moi, j'ai jamais compris. Mais à mon avis, c'est nul à chier. J'avais le jeu vidéo. Du jeu de cartes Pokémon. C'était Picross? Non, c'est pas ça. Non, non, le tout premier sur Game Boy. Ah non, ça a rien à voir, Picross. En fait, j'adorais Pokémon. Puis vu qu'il n'y avait pas des masses à l'époque qui étaient sorties, ouais. Bah, j'avais acheté le jeu de cartes de jeu du jeu. Donc t'étais un peu déçu en. Non, il était trop bien. Ah, ok. Mmh. J'ai eu le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy et la particularité c'est que c'était pas les mêmes règles que dans le dessin animé. Ah. Complètement perdu. Ah, ouais. C'était dommage. Débile. C'était débile. Mais ils ont essayé de l'adapter comme ils pouvaient, quoi. Ouais. Je peux confesser un truc aussi? Oui, vas-y. En CM2, j'ai volé un rond doudou à quelqu'un. 50 PV. Et des fois, j'en fais encore des cauchemars la nuit. T'as son prénom, c'est le. Ah, il y a une corde. Tu es libre. T'as son prénom. T'as le prénom de ce gars. J'ai pas le prénom. Je me. Non, je le connaissais pas. C'était un. Ah ok. Ah, c'était un CM1. C'était un bouffon. Un gros naze. Oh le con, il est en CM1. Pardon. Mais on l'embrasse. On l'embrasse bien sûr. Moi, en fait, à part les et encore, j'allais dire les figurines pop, mais j'en ai pas tant que ça. Et je voilà, j'aime bien, mais de là, j'en ai aucune et ne m'en offrez pas. Pas moi, j'adore ça, moi. Mais j'aime bien. J'ai plus place. J'aime bien. Mais j'ai carrément plus place, moi. Ouais, voilà. Mais après, je collectionne pas tant que ça. Moi, j'ai collectionné parce que alors, quand j'étais petit avec mon père, on allait souvent au McDo. Ah. Mais ça va, hein. Petit diabète, tranquille. Petit coleste. Et petit coleste. Et en fait, j'y allais assez souvent pour que une fois, j'ai réussi à avoir toute la collection des jouets Astérix qu'on avait dans le Happy Meal. Ouais. Trop bien. J'ai eu tout Astérix Mission Cléopâtre, enfin le dessin animé, mais voilà. Et, j'allais dire, il y a Alain Chabat et tout. Il y a Dieudonné en figurine, quand même. Un peu limite maintenant. Gérard Darmon, quand même. Ah putain. Ça serait trop bien. Écoute, c'était une pierre, on l'a laissé comme ça. Il est très rocailleux. Ok. Ouais, non, complètement fou. Donc j'ai eu un diabète et une collection. C'était pas bah écoute, moi, je collectionnais les cailloux, mais bon, c'était. C'est vrai. C'était une autre époque. Tu sais, quand on est petit, tu vois des beaux cailloux dans la rue, tu fais mais putain. Voilà. Et du coup, j'avais une boîte à cailloux et bah du coup, ils étaient tous moches quand je les ai revus quand j'étais grand. Quand j'ai grandi. Frappé avec. Je les ai jetés en fait parce que c'était nul. Et c'est tout. Tu faisais le jeu du caillou. Ouais, plein de fois. Allez où la poulette. Pardon, vas-y. Non, t'inquiète, pas de souci. Une collection bizarre aussi, c'est que vu que j'habitais, enfin mes parents, ils aimaient bien aller se promener. À chaque fois, je voulais ramener un bâton. Mais un assez haut bâton pour en fait pouvoir marcher sur le retour et faire le berger. Ouais. Moi c'était pour niquer des plantes. Ah, pour faire Star Wars. C'est ça. Oui, c'est vrai. Oh putain, un excellent jouet d'ailleurs, mon sabre laser Star Wars Anakin qui s'allumait en bleu et en rouge. Pour qu'il passe d'un, ouais. Et ouais, d'un côté à l'autre quoi. C'est méchant. Ok. Pas mal. Et moi, je me souviens d'un truc que je collectionnais aussi quand j'étais un peu plus petit, c'était les fèves de Chandeleur, quoi, voilà. Et pas de la Chandeleur, de la galette des rois. C'est les crêpes. De la galette des rois, ouais. Et oui, mis des fèves dans une crêpe. Ça se voit. C'est oui. T'es une petite courbure comme ça. Je suis quand même grosse. Bon bah je coupe les parts de crêpes. Comment il est pas comme tout le monde, il a pas compris le truc. Bah, j'adore la Chandeleur pour les crêpes. Il les croque après. Oh c'est toutes ces fêtes là. Bah voilà, on a fait un peu le tour du sujet. Hein, mais je vais enchaîner avec une petite rubrique pleine d'infos. Amusantes pas forcément amusantes, intéressantes, on va dire. Ah, oui. C'est la rubrique Le saviez-vous de Clément, spécial Noël. J'essaie un petit peu de mettre ma rubrique de plus en plus sur les Star Marquées, je la cale à chaque fois. Tu tires la couette Un petit peu. Et après, à la toute fin, on aura le jeu de Jules. Voilà, pour terminer en beauté. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un jeu, c'est vrai. Je sais pas ce que c'est. Oui. Je vais vous parler de l'histoire du Père Noël. Est-ce que ça vous intéresse, l'histoire du Père Noël? Oui. C'est un peu d'occasion, hein, j'ai envie de dire. Ah, en fait, c'est. Non, j'ai une classe de CM1. Fait. Oui. En fait, je passe une dédicace à Soline et qui en fait m'a dit. Parce qu'on parlait de. On avait vu la pub Coca et je disais que c'était un peu la tradition qu'il y ait la pub de Noël de Coca-Cola en ce moment. Et que c'était eux qui avaient instauré le Père Noël rouge. Et en fait, elle m'a dit, mais non, apparemment, c'est pas eux. Ils l'ont diffusé, mais ils l'ont pas coloré. Et ben, j'ai fait mes petites recherches. Pardon. Donc, l'histoire du Père Noël, d'après la rumeur, donc, ça vient de cette célèbre marque de soda qui est Coca-Cola. Mais c'est faux. Le rouge a été l'un des attributs de ce livreur de cadeaux bien avant que Coca-Cola l'utilise pour sa campagne publicitaire. Tout a commencé avec la légende de Saint-Nicolas. Alors, j'ai pas les dates, je crois. Fait. Attends, mais il y avait pas aussi un. Pardon, non, vas-y, finis. Non, mais. Non, peut-être, peut-être ça va le dire. La légende de Saint-Nicolas, j'ai plus vraiment les dates, mais ça date d'il y a très très longtemps. Qui était parfois vêtu d'une cape rouge et qui était en fait protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles. Des gens faibles. Je sais pas à quel moment il catégorie. T'es un genre faible. Toi, t'es faible. T'es même pas de base. Sale faible. Et la légende dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises, fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat, pain d'épices. Donc ça commence. Du 5 au 6 décembre. Du 5 au 6 décembre à l'époque. D'accord. Ouais, c'est pas les bonnes dates. Hein. Ah, c'est... Au 19e siècle. Au 19e siècle, les écrivains et les dessinateurs américains transforme Saint-Nicolas en un vieux lutin vêtu de rouge. Donc là, vêtu de rouge à ce moment-là. Il avait plus, enfin, il avait la cape rouge, mais il était totalement vêtu de rouge. Et le personnage de Saint-Nicolas s'exporte aux États-Unis via notamment les colons. Les colons hollandais. et en fait, et c'est là que vient l'appellation Santa Claus, puisque les Anglais vont déformer l'appellation hollandaise Sinterklaas en Santa Claus. Mais alors, on est d'accord que ça veut rien dire Santa Claus, du coup. Bah, ça vient de Sinterklaas. Sinterklaas en hollandais, mais... Vous voulez que je cherche? Non, vous chercherez de votre côté, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est... Mais je pense Sinterklaas, ça avait un rapport avec Saint-Nicolas, je pense. C'était Saint quelque chose, Sinterklaas, Nicolas. Oui, c'est ça. Saint-Nicolas, en fait, Sinterklaas. Tout simplement. Sinter Saint, Klaas, Nicolas. Klaus. Que Père Noël, c'est beaucoup mieux que Santa Claus. Alors, et c'est le dessinateur Robert Weir qui le dessine pour la première fois en costume rouge et blanc en 1838. Saint-Nicolas, ce n'est pas encore le Père Noël. Il apparaît comme un lutin grincheux, un petit lutin grincheux. Comme et toi. Sa petite râleur. Je suis pas subtil. Et ce petit lutin, en fait, comme grâce à sa petite taille, ça lui permet de passer par la cheminée. D'où la légende de la cheminée. Donc, en fait, il a pas cette espèce de gros bide qu'on lui attribue. Pendant ce temps, okay. C'est vrai que c'est logique, du coup. C'est là où voilà. Pendant ce temps-là, en Europe, coexistent les figures païennes Father Christmas en Angleterre, le bonhomme Noël en France et le plus chrétien, c'est Christkind en Allemagne. J'ai fait l'accent anglais. Du coup. C'est Christkind. Christkind. K-I-N-D. K-I-N-D, ouais. C'est Kinder. Un enfant. Ouais. Oui, voilà. C'est le ah oui, Christ, Christ des enfants. Et bon, alors, c'est juste bizarre. Pour citer. Et la couleur rouge attribuée au Santa Claus n'est pas encore définitive. Au 19e siècle, plusieurs illustrateurs anglo-saxons représentent le Père Noël sous différentes couleurs. Donc à l'époque, c'est pour ça qu'il y avait bleu, vert, gris, violet. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de différences selon les pays en fait. Et c'est enfin dans les années 1930 que Coca-Cola lance une grande campagne de publicité qui reprend le personnage de Santa Claus. C'est le dessinateur Adon Sonsblom, qui est américain, qui le dessine. Cette fois, c'est un vieillard aux joues rouges, bedonnant, vêtu d'un costume rouge et blanc, à l'allure plutôt sympathique, et le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Donc en fait, on dit que c'est pas vraiment eux qui ont choisi la couleur rouge pour le Père Noël, mais c'est un peu eux qui ont fait tout le reste en fait, le côté bedonnant, la barbe et tout. C'est quand même trop de coca, c'est un peu contre-productif comme pub. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Coca-Cola. Et cette représentation du Père Noël s'impose en France dans les années 1950 avec l'essor des grands magasins, le capitalisme parisien. Ah ça lui plaît à Théo, regardez, il est en haut. Comme le Père Noël, c'est communiste d'ailleurs. Un gros groupe. Qui vont inciter dans leur vitrine à acheter des cadeaux aux enfants pour le 25 décembre. Et allez, ça lui plaît. Écoute. Et donc Noël... Toi t'avais une orange, je crois, à Noël. Topinambour, moi. Topinambour. Et donc Noël est pleine de traditions. Yannick qui m'a fait un topinambour pour mon anniversaire aussi, je sais pas si tu sais. Ah ouais, il devait être super sympa ce mec. Je lui ai offert un topinambour pour son anniversaire. Ah, c'est hyper content. C'est cool quoi. Et donc Noël est pleine de traditions du coup dans le monde. Il y a des traditions un peu plus insolites pendant cette période. Et je vais vous en raconter quelques-unes. Par exemple en Espagne, en Catalogne, la coutume veut que l'on prépare un cagatillo. J'ai pas l'accent en espagnol. Hein. Petit gâteau. Littéralement, un oncle qui fait caca. Oui, oui. What? C'est en fait une bûche en bois. C'est marrant s'il fait caca. Vous pouvez chercher sur Google, il y a des images où vous tapez cagatillo. Oh non, si c'est pour voir du caca, c'est bon. Hein. Que je vous explique. Ouais. C'est on en voit déjà assez à la télé. Pardon, je te laisse continuer. C'est une bûche. Il y a eu des annonces. Enfin. Je parlais, il va être ronchon encore, il va être un petit lutin grincheux. Il râleur. Oui. C'est une bûche en bois sur laquelle est dessiné un grand sourire et qui expulse les cadeaux par son derrière. En fait, il sculpte des petites bûches en bois. Et c'est pris très au sérieux, pardon. À partir du 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, voilà, vous le savez, ou pas. Il s'agit de placer la bûche au chaud, près du feu, et de lui offrir des noix et du chocolat. Donc c'est très nul d'offrir des noix, ça. Des noix et du chocolat. De quoi? Une bûche sortie d'un cul. Non, une bûche munie d'un cul. Ah, munie d'un cul. C'est très différent. Et le jour de Noël, toute la famille se rassemble autour du cagatillo, donc une bûche qui a un cul, hein, à qui on ordonne de libérer les cadeaux, traditionnellement du nougat, des bonbons, des petits jouets, de l'argent. De libérer les cadeaux, c'est vrai. Voilà. Non, mais en plus, elle est munie d'un cul. C'est une bonne idée. Même, tu dois expliquer ça des enfants. Ah, mais bon, c'est l'oncle en alors plus. Là, on va mettre le tonton, il va chier partout, ça va faire des cadeaux. Ouais. Je jouer Noël, hein. C'est la tradition. C'est... Hein. Eh, c'est, le folklore, c'est le folklore. On ne demande hein. pas ce que soit crédible. Ouais, ouais, mais c'est la tradition. C'est nos ancêtres. Non, mais c'est encore aujourd'hui. Oui, oui. En plus, c'est en Espagne et ça se fait encore en Catalogne. On embrasse tous les Espagnols. Ils tuent encore les tours. Tous les catalogues. C'est vrai. Pas tous les, on n'embrasse pas tous les Espagnols. On n'embrasse pas tous les Espagnols. On n'embrasse pas tous les derrière de but. Surtout. Au Mexique, dans la région d'Oaxaca, le 23 décembre est synonyme de Nuit des Radis, la Noche de Rabanos. Ça a l'air trop bien. C'est un festival d'art assez rigolo où les artistes doivent réaliser des sculptures sur radis géants. Chaque année, ils sont plus de 100 à participer. Voilà, ça doit être assez rigolo à voir. C'est mignon. C'est le 23 décembre. Mignon, oui. C'est nombreux que sur ça, c'est marrant. C'est un peu mieux que le Cagatillo. C'est ça. Le Cagatillo. En Lettonie, Noël ressemble plus à Halloween puisque en fait les Lettons s'habillent en momies et vont de maison en maison pour s'échanger des cadeaux. Et, et c'est la clé selon eux d'un Noël prospère. Mais c'est trop bien. Pourquoi la momie, je ne sais pas. Ouais. Mais voilà, c'est un peu comme Halloween. Okay. Au Pays de Galles, la tradition de Mary Lloyd, j'ai pas du tout la prononciation. Cette étonnante tradition galloise consiste à se déguiser en cheval à l'aide d'un drap blanc et d'un crâne horrible. Un crâne de cheval mort. De cheval, hein. Ouais, ouais. De vrai, c'est vrai. Un vrai crâne de cheval. Ah oui. Tu dois prendre un crâne de cheval mort. Alors, est-ce que c'est des vrais ou est-ce que c'est des faux crânes? Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'époque, il devait prendre des vrais. Et où sont accrochés des rubans de couleur, en fait, sur la tête du cheval mort. Le crâne, quoi. Et cette étrange créature se promène ensuite dans le village en récitant des poèmes et en chantant des chansons. Ça doit être super flippant. Puis les habitants l'invitent à boire et manger chez eux. Voilà. Attends, mais c'est la légende de qui? De Mary Lloyd, M-A-R-I, plus loin L-W-Y-D. Okay. Ouais, c'est avec l'accent gallois, si, je ne sais pas. Je me demande s'ils tuent des chevaux pour l'occasion ou s'ils utilisent des crânes de chevaux. Je pense qu'ils ils ont des crânes de chevaux morts depuis longtemps. Non, mais j'avais vu une photo, c'est vraiment un crâne bien blanc. Oui, mais après, si, tu sais pas si ça a été tué. C'est pas un truc qui vient d'être tué ou qui a été. Ouais, non, ouais, il n'y a pas le vieux sang. Le mec, il a mis sa main pour faire marionnette. Non, il n'y a pas tout ça, quand même. Et enfin, en République tchèque, quand même, parce que ce serait con, ça. Ouais, horrible. En République tchèque, au mois de décembre, pour la Svata Barbora, d'ailleurs, en tchèque, c'est sûrement pas cet accent, mais les jeunes femmes célibataires ont la coutume de lancer leurs chaussures à talons par-dessus leur tête, devant leur maison. Si le devant de la chaussure pointe vers la porte en retombant, la jeune fille va se marier dans l'année. Si c'est le talon qui pointe vers la porte, elle restera célibataire et continuera d'habiter chez ses parents. Pour l'éternité. Pour l'année. C'est bon alors. Elle retente chaque année. Voilà. Alors je sais pas si toutes les filles là-bas respectent cette tradition. Et à partir de quel âge elle commence à le faire aussi. Et la vieille Olga, heureusement, c'est toujours tombée sur le bon côté, rester chez elle. Du coup, c'est bon. Et qu'il y a que grâce au mariage qu'elle peut sortir chez ses parents. Tu vois. Voilà. Mais Noël, quand même, ça reste s'offrir des cadeaux. Et je crois que des jouets d'ailleurs. Et Jules a un petit jeu, je crois, sur les jeux et les jouets. Je crois que c'est ça, hein, Jules. Exactement. Je te laisse. Les jeux et les jouets. Je l'ai nommé comment? Moi, je l'ai appelé le jeu de Jules. Tout simplement. C'est le jeu de Jules. Ça marche. Moi, je te laisse le présenter. Moi, c'est marqué jouet. Singulier. Très clair. Vas-y. Donc, ce jeu concernera des jouets en tout genre. La plupart sont destinés à des enfants, mais certains sont juste pas ouf si des enfants en tombent dessus. C'est-à-dire que certains jouets que je vais vous énoncer ou jeux sont pas forcément adaptés aux enfants. Même et si nous, on doit faire quoi comme. Vous allez voir. Ah. C'est une Kalachnikov, c'est un vrai ou faux, encore une fois. Oui, bon, ça existe ou ça n'existe pas. C'est mieux. Attends, est-ce que tu peux trouver un autre mot pour dire vrai ou faux comme... frais ou veau. Non, mais comme un peu dans le c'est style bien, de tout à l'heure avec téléfilm ou téléfaux, ou toi c'était info ou intox. Jouet ou. Arrêtez de jouer avec mes. Non, ouais, non. Bon, on dit vrai ou faux. Ouais, vrai ou faux, c'est bien. Ça n'a pas été fait. Ça n'a jamais été fait. Ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de poser de questions, c'est-à-dire que ce que je vais vous dire, j'ai écrit moi-même la description de chaque jeu ou jouet. Ok. Donc, voilà. Et on doit dire s'il existe ou s'il n'existe pas. Elle est assez précise pour pas que ça suscite des questions. Normalement, ouais, et c'est fait pour que, voilà, vous vous tenez à ce que je vous dis et c'est tout. Bon, ok, on va frais ou chaud. On nous propose frais ou chaud, ouais, on peut dire frais ou chaud. Allez, frais ou chaud. Allez, on dit ça. Alors, dans le premier jeu où je vais vous énoncer, vous êtes un chauffeur de bus. Le but est d'amener les passagers de Tucson en Arizona jusqu'à Las Vegas dans le Nevada. Le trajet dure 8 heures en temps réel puisque vous êtes limité à 70 km/h sur la route. Est-ce un vrai ou un faux jeu? vidéo, du coup, vous imaginez. Ce serait une genre de, un style de bus simulateur. Ouais. Est-ce qu'il est frais ? Ouais, exactement. Est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il est chaud ? Moi, je dis frais parce que vraiment, il y a les jeux de camions ouais. simulateur. Truck simulator. Et qui marche bien en plus. Oui, oui, c'est... Ouais. Moi, je dis frais aussi. Vrai ! Desert Bus est un mini-jeu issu d'une compilation de jeux qui n'est jamais sorti. Ah, jamais sorti. C'est wow. triste. Hein. C'est vrai que rouler dans le désert. Il s'appelle Penn and Teller Smoke and Mirrors. Ouais. Ah ouais. Suivant. Vas-y. Dans ce jeu, vous incarnez un contrôleur de transport. Figure d'autorité, vérifiez que tous les passagers de la rame soient en règle et pincez les éventuels fraudeurs. Non, je pense pas. Alors j'aimerais bien que ce jeu existe, mais ouais. je pense que c'est chaud. Je pense que ça vient de toi parce que c'est ton langage. Toi tu dis faux. Je ouais. dis chaud, moi je dis chaud. C'est mon bah, langage, de toute façon, ça peut être que mon langage parce que c'est moi qui ai écrit toute la description que ce soit vrai ou faux. Non, je dis vrai quand même. Moi je dis faux. Moi. T'as pas mis aussi de point de précision que ton truc d'avant, genre oui, de l'Arizona au Texas. Très, disparaître. Hein. Il a peut-être la flemme aussi. On nous dit vrai dans le chat aussi. Disparate. On dit pas disparaître. Disparaître. Jean-Paul Sartre. C'est ça. Alors effectivement, c'est faux. Bravo les cons. Mais ce serait génial. Un bon jeu sur la RATP. Ouais. Bah, il mérite tellement. Hein. Il existe un peu un jeu comme ça où en fait t'es chauffeur de bus et des fois tu contrôles les passagers. Oh yes. Putain. Ça s'appelle comment ? Tu l'as ou pas ? Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est sur Steam, sûrement à 5€. Oui, comme tous les autres simulateurs, à part Euro Trucks. Troisième jeu. C'est honteux. Vas-y. Bobby, le chien vulgaire. Bobby est un compagnon idéal, meilleur ami de l'homme et de l'enfant, a priori. Car cependant. Bobby est très mal élevé et déclare vouloir niquer tout le monde avec sa queue. La fin est un peu bizarre. Ouais, je pense que ça existe, mais t'as juste donné une description un peu fofolle. Mais ça fait très description de, tu sais, de petits jeux où genre les hippos où tu dois faire des trucs où il y a un personnage au milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un peu ça. Moi, je dirais vrai pour ça. Sauf que c'est pas du tout ça. Vrai. C'est vrai. Le scandale est arrivé par Bobby, un chien parlant commercialisé en Belgique début 2013. Fabriqué en Chine, le jouet électronique devait chanter « Avec ma truffe, je renifle tout le monde ». Or, à la place de ces innocentes paroles, les enfants entendaient « Avec ma queue, je vais niquer tout le monde oh !» qu'ils ont alors répété à leurs parents. La société Maxi Toys qui a fait retirer le jouet de ses rayons a expliqué que ça devenait d'une erreur de compression de fichiers. Oui. Non mais c'est vrai, repensez à vos vieux jouets qui avaient un son tout saturé et dégueulasse. C'est vrai. Bah, à mon avis, ça vient de ça aussi. Oui, sûrement. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, c'est que je viens de penser à un truc, c'est qu'il y a eu une période aussi de jeux dégueulasses pour les garçons. Tu sais. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, tu parles des jouets, le jeu des chiottes là, tout ça. Bah, il y avait juste une période où vu que les garçons ils se tous des gros porcs, bah, on va leur faire Mais là, il y avait une collection de jouets avec les sortes d'enfants dégueux. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens qu'il y avait une fois où j'ai crado, les crados, c'est ça. Un jeu sur ordinateur où dedans t'avais un vomi en plastique qui était intégré. Voilà. Pourquoi est-il en plastique si c'est un jeu d'ordinateur ? Et en fait, j'ai perdu le CD et maintenant j'ai plus que le vomi qui il est grand comme ça. Est-ce que c'est un peu comme la matière qu'il y a dans nos trucs de bulles ? Non, c'est vraiment genre un bout de plastique avec des graines dedans. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et qu'ils l'ont étalé comme ça. Bref. Très bien. Énorme. Vrai ou faux ? Enfin, existe-t-il frais ou chaud ? Oui. La mitraillette djihad. Faux. Attends, quoi ? Ce serait un jouet. La mitraillette djihad. Mitraillette, oui, mais aucun... djihad. Je ne vous donne aucun truc en plus. Bah, c'est vrai qu'il faut pas faire de commentaires, je pense, dessus. Exactement, j'ai pas voulu me risquer. Ouais. J'ai posé mon téléphone. Tellement. Là, c'est marqué numéro 4, la mitraillette djihad, point. Bah, moi, j'espère du faux. C'est tout. C'est pareil, gros. Enfin, c'est pareil. Est-ce que je bluffe, Martoni ? C'est hardcore quand même. Tu bluffes, Martoni ? Ouais, d'ailleurs, t'as un bout de patate sur la joue, hein, tu feras gaffe. Ah, c'était une belle imitation, ça. Merci. Vite dans les cartes. Alors, vrai ou faux ? Frais ou chaud, pardon ? Chaud. Je dis frais. Ouais, je pense vrai. Frais, chaud. C'est frais. C'est vraiment vrai. Dégoûté que ce soit vrai, en fait. Ouais. À la fin de l'année 2014, Auchan propose une mitraillette dans l'un de ses catalogues. Problème ? L'arme factice présente des symboles qui rappellent ceux des djihadistes. Oh. Le produit a très vite été retiré de la vente. Tu m'étonnes. Numéro 5. Oui. Un dating simulator où votre personnage intègre une école de pigeons. À vous de faire roucouler les jolis élèves du bahut. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Il existe une sorte de jeu où tu joues un pigeon et pour chier sur les gens. Oui, ça, ça existe. Mais est-ce qu'il existe un jeu où il y a des pigeons de partout et que... Enfin, dans une école, du coup. Une école et que tu dois les pécho, quoi. Tu les pécho. Les pigeons, quoi. Pigeons, les pigeons. Chaud. On nous dit frais dans le chat. Dans le chat. Taux d'intérêt. Moi, je suis le chat. Pourquoi des pigeons? C'est frais. Dans Hatoful Boyfriend, c'est japonais. Du coup, Hatoful. Un tofu. Vous incarnez le seul humain dans une université de pigeons. Vivez votre histoire passionnée avec de beaux pigeons dans la fleur de l'âge. Passionnée et passionnante. Ouais. À mon avis, tu dois avoir des petites cinématiques avec des pigeons qui ont les joues toutes rouges. T'sais. Ouais, ouais. Numéro 6. Shooting the Sun. Numéro 6. Ouais, c'est ça. Dans ce jeu, vous incarnez un bodybuilder à la recherche du corps parfait. Tous les moyens sont bons. Récoltez des protéines, dopez-vous et éliminez la concurrence pour devenir le plus luisant et musculeux des hommes. Ouais, je pense. Ouais, vrai, ouais. Je dirais vrai aussi. Frais, frais même. C'est frais tout le monde. Ça, comme ça pourrait marcher. C'est faux. Oh, c'est chaud. C'est tellement bien inventé. Par contre, en 2009 sur Wii est sorti Muscle March, donc Muscle March. Le marché des muscles. Exactement, la marche du muscle. Un jeu où vous incarnez effectivement un bodybuilder, mais qui devra gagner des mini-jeux pour gagner des protéines. Oh putain. Ça a l'air foncièrement nul. Alors, exact. Tout pourri. Numéro 7. Mettez la fessée de leur vie aux gens qui vous agacent. L'occasion pour vous d'évacuer la frustration d'un entourage au comportement déplacé et aux remarques désobligeantes. Peine à voir le principe du jeu. Ouais, faut juste taper des gens pas gentils. Ouais. Ça peut exister. Moi, je dis chaud. Je le dis. Non, mais il a pas peur. Frais. Et il dénonce. Ouais. Il dénonce. Il a pas peur et ouais. C'est pas pire. Pas peur des mots. Ouais, je le dis. Frais. Ouais, faux aussi. Chaud. Chaud. Frais. Frais. Frais. Vrai. Oh putain. Enfin, frais. J'arrive pas. Bunga Bunga. Ah bah oui. Déjà. Est un jeu d'arcade 3000. Sorti en 2001. Alors, je l'ai vu l'image. La machine est équipée d'une fesse sous un jean. Donc, en fait, t'as vraiment. Bah, imaginez mon cul sous un jean, quoi. J'ai pas envie d'imaginer ça, mais vas-y. Si. Si, si, j'imagine. Sûr que si. Ah oui. Sous un jean. Et vous devez frapper le plus fort possible pour marquer un max de points. C'est complètement. En fait, cool. C'est vraiment une bonne bande d'arcade où t'as pas de bouton. Ah. T'as une toile tendue de jean qui représente la fesse et tu dois taper ta race. Oh non, mais. Et en 2001, pas mal. Hein. Oui, en fait, c'est l'équivalent des c'est comme le truc du marteau, quoi. Où tu tapes avec ton poing. Voilà, c'est comme le truc de la boxe ou le truc du marteau, quoi. Ouais, okay. Avec une fesse. Ouais, une fesse droite, si je me rappelle bien. Ok. Et pour les gauchers, non. Et enfin, numéro 8. Oui. Ce pistolet à eau Batman ravira les plus petits. Retirez le bouchon des fesses de Batman et pompez son sexe pour lui faire cracher de l'eau. Horrible. Petite quinte de tout. Je pense que c'est frais. Je pense que c'est frais aussi, mais c'est pomper nul. Enfin, c'est jeu, horrible. Mais, putain. Ouais, je dis que c'est frais. Pour les enfants. C'est. Mais pour les enfants. On nous dit chaud dans le chat. C'est chaud. C'est chaud. C'est vrai. Ah, j'ai pas mis d'explication. Tout est dit. Ah ouais. Ouais. Bah, oui. Il n'y a rien à dire. Pomper son sexe. Enlever le bouchon de ses fesses. Ça. Retirer ça. Le bouchon de ses petites fesses. Et pomper bien son gros sexe dur en plastique. Voilà. Horrible, ouais, un mauvais. C'est vraiment Batman qui est genre le cul bombé, tu vois. Ouais. Et là où tu tires, bah, c'est vraiment. Moi je vais pas en parler. Vous avez compris, choqué d'avoir vu l'image. Je vais faire m'arrêter là. Ouais, et voilà, c'est la fin de ce jeu. Et le c'est aussi la fin doucement du PowerCast, épisode 3, saison 2. Tout doucement, ça ouais, ça passe vite, hein, les gars. Ouais. On parle, et puis on se rend presque pas compte deux de la heures. Fin. Bah, quasiment, ouais, ouais, carrément. Ouais. Quasiment deux heures, ouais. Et on y arrive, hein. On y arrive à petits pas. Et 2020, ça arrive aussi. Eh. 2020 alors, approche, ouais. D'ailleurs, vous avez des projets pour 2020, un peu des gros. Des grosses actus, on va dire. Me faire de l'argent, un peu. Ouais, être beau, gagner de l'argent et aussi être intelligent. Et aussi être intelligent, ouais. Ok. Et si, je vais acheter une basse. Oh, ah, beau projet! Ouais, ça va être mon cadeau de Noël que je vais me faire à moi. Et j'en suis très tellement content. Raison. Est-ce que tu veux un ampli de basse? Oui, j'en ai un. Ouais, grave! Bah, joyeux Noël! J'adore ce que vous faites, monsieur. Salut l'artiste! Non, mais tu vas swinguer comme jamais. Ouais, en plus, j'ai trop stylé cette queue. Enfin, je montrerai après. Tu me montreras. Très cool. D'ailleurs, vous faites des cadeaux de Noël, vous? À nous-mêmes? Ouais. Est-ce que je me demandais? Non, je m'en fais tout au long de l'année, mais genre des tacos. Me fais des petits plaisirs. Non, moi, ça, en fait, non, ouais, bah pareil, en fait, comme non, je m'en fais des fois, en fait, je me fais des cadeaux en m'offrant des jeux vidéo, tu vois. Genre, je me dis, là, c'est un petit cadeau. Moi, c'est pour faire plaisir, tu vois. C'est une question de solde, moi. C'est une question mais, de sauter sur l'occasion. Tu achètes quelque chose, Clément. Tu te fais pas un cadeau. Oui, mais je me dis, bon, allez, là, on se fait plaisir. C'est formidable de penser comme ça, parce que dès que t'achètes un truc, tu fais. Ah mais là je me fais plaisir. Mais c'est ça, je me dis franchement de temps en temps. Ouais mais à Noël et à mon anif, moi à chaque fois maintenant au Noël et aux anifs, je m'auto-offre un cadeau. Bah globalement après dans l'année je me restreins pas mal parce que pas d'argent. Le paquet. Où est l'argent ? Est-ce que tu pleures de joie quand tu l'ouvres du coup ? Non, est-ce que je sais ce que c'est ? Mais du coup à chaque fois j'essaie de me faire ça. Je suis déçu, je m'attendais. Tu me laisses tout ça quand même et tu reviens. Tu reviens 5 minutes après tu fais. C'est plus là. Mais j'étais pas là tout à l'heure. Alors là moi je m'offre rien. Ouais, non, ça mais pas, après non, si c'est tout au long de l'année c'est bien aussi oui voilà c'est oui. Ça non, à Noël, non. Moi je me l'offre un petit resto en tête à tête avec moi-même à Noël seul à une table tu prends deux plats Ouais sinon au niveau actu toi Thibaut des projets pour 2020 on va peut-être bosser ensemble bah ouais, peut-être toi aussi Clément tu vois oui, bah, on peut coup, est-ce peut-être. Qu'on a le droit d'en parler on je peut... sais pas bah, non non je ouais, crois pas on a pas le droit d'en parler c'est un peu secret on a nul tout coupé là ouais ouais on va couper on peut dire qu'on va peut-être bosser ensemble ouais voilà on dit pas quoi mais c'était pas officiel donc là et sinon en projet audiovisuel tu sais pas t'as de quoi faire non pas vraiment mais t'as des trucs qui vont sortir ou pas non parce que t'as tourné t'es dans des tournages quand même oui totalement ça sortira en 2020 j'imagine septembre octobre novembre c'était méga plat et là on ouais fin novembre décembre j'ai fait quasiment que tourner okay. Donc c'était pas mal ouais mais après non si il y a des projets que j'ai envie de voir sortir d'autres non t'en as que ouais. forcément tu hein, comme mixer comme un... beaucoup hein. Beaucoup oui tu vas mixer un projet qu'on a fait avec Clément oui totalement aussi et Théo d'ailleurs aussi quoi bah on a du bol hein quoi, non. On a tourné un truc on a tourné longtemps il y a vraiment la guirlande. On a tourné un truc. Oh bah non. Nous là-bas dans le coin. Là. Et c'est peut-être un fantôme qui a fait bouger la guirlande. C'est pas parce qu'on parlait de lui. Hein, Clément, t'as compris. Je sais, j'avais compris. Bah voilà, c'est une blague. Ferme ta gueule, c'est Noël. Ouais. Je suis un vrai troll d'internet. Eh, 2020 arrive. Ouais, tu vas faire le mixage, oui. Totalement. Bah, en fait, oui, voilà, bah nous, au niveau projet, c'est toujours. On en parle à chaque épisode. On écrit, mais on met beaucoup trop longtemps. Non mais c'est normal, ça prend son petit temps. Ouais, mais bon. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Turbo Rire 2000. En plus c'est la seule que vous pouvez trouver si vous tapez Turbo Rire 2000 sur YouTube. Ouais, donc il peut pas y avoir de. Ouais, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas le louper. Bah, c'est évident. Et puis non, bah après nous c'est le Powercast, hein. Powercast. On va essayer d'en faire un tous les mois assez régulièrement. Hein. Oui, exactement. Et puis de temps en temps des courts métrages qui vont sortir, ça arrive un petit peu, voilà. Et on est très content de ce début de saison 2 aussi. Ah oui, on nous rappelle un truc. On a été dans un podcast aussi, Jules, qui est sorti. Ah bah oui, bien sûr. Oui, en fait, je ne savais plus si on en avait parlé la dernière fois ou pas. C'est le podcast de Fabien, justement, qui s'appelle Improlix, qui est un podcast d'impro, de match d'impro, en fait, voilà. Si vous connaissez la discipline. On a participé avec Théo Surac, que vous connaissez sûrement. Qui est un habitué de la maison. Qui est un habitué de la maison, on va dire. Et également Mervan, qui était venu à l'épisode 3 ou 4 4 de Powercast que vous connaissez aussi. Puisque le 3 il y avait Théo. Ah bah oui, c'est vrai. Théo Perron, pas. Oui, voilà. Bon, bref. Et donc voilà, on a participé avec ces 4 lurons et Fabien qui organise tout ça, ce podcast. Et vous pouvez trouver ce podcast en tapant Improlix sur toutes les plateformes de podcast. J'ai appris d'ailleurs qu'on peut. Il y a une plateforme qui s'appelle Google Podcast, je crois. Mais ça non. Marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Non, je sais pas. Si moi ça marche, ça marche. Non, mais, et en fait ils mettent tous les podcasts qui existent, nous on est dessus alors que j'ai rien fait. Ils chopent les flux. Oui, mais c'est normal, c'est un truc automatique. Bah, quand vous saurez comment y accéder, n'hésitez pas à chercher. Ouais, mais voilà. Et Improlix. Voilà, vous pouvez nous trouver un peu partout, en tout cas toujours par podcast. Et voilà, et rechercher Improlix, vous pouvez nous. Pardon, je rote. Vous pouvez nous entendre improviser comme jamais. C'est une première dans la maladie du podcast, non? De quoi de faire des matchs d'impro en podcast, c'est la première fois. Je ne sais pas. En tout cas, il me semble. Enfin, moi, j'avais rien vu. J'ai baroudé à droite à gauche. J'ai jamais vu ça. Et c'est un exercice très difficile. Donc, allez nous écouter. Voilà, c'est très intéressant à voir. Et apparemment, tu es invité au prochain. De quoi? T'es invité au prochain podcast. Ouais. Ah, c'est très gentil. T'es noté. Ça se passe. Pas Thibaut, par contre. Thibaut, le pauvre, il est là. Allez, ciao. Je connais pas assez. Salut. On se connaît pas. Voilà, toujours plus de podcasts, des sketchs. Ouais, des podcasts, des sketchs. Puis vous, bah du coup, ouais, Thibaut, toi, il suffit qu'on te suive un peu sur tes réseaux sociaux. On joue des logos. Ah oui, oulala, sur Facebook, des fois, je fais de l'infographie. Ouais, tu postes que sur Facebook. Ouais. C'est sur ton compte perso par contre. Ouais. En même temps, s'il fait des diapos sur YouTube, ça va être relou. C'est vrai. Non, mais si, sur Insta, s'il avait un compte Insta. Ah, sur Insta. Ouais, je pourrais mettre. Allez, Boonbert, c'est vrai, c'est vrai. Totalement. Totalement, c'est vrai. Et Thibaut, on t'aime bien quand même. Oh. Oh, c'est gentil. Voilà, donc retrouvez-nous un peu partout là-dessus, sur les réseaux, hein, pour ceux qui nous connaissent. Wow. Ouais. Nous, c'est Instagram avec Jules, vous pas, du coup, j'ai l'impression, pas trop Instagram, toi, Théo. Bah, j'ai le ouvert parce que. Pour comme ça, on peut te taguer. Tu veux... ouais. Mais Non, j'aime pas Instagram, j'aime pas du tout. Ah ouais, j'adore, ouais. Moi. Ça, après, ça me rend fou. Un essor génial. Moi, ouais, j'aime bien les stories et tout. En fait, c'est que c'est... Ouais, tu peux faire plein de choses dans tes posts et plein d'effets comiques. Et toi, Théo, on te retrouvera sûrement pour un quatrième épisode avec toi de Powercast. Ouais. Hein, de façon, tôt ou tard. Hein. Tu veux aussi, hein, tu reviens quand tu veux. De toute façon, c'est un plaisir. On réinvite toujours tous nos invités. Ils ont le droit de revenir à volonté. Parce que Thibaut, une soirée entre copains, j'ai oublié la suite. Les copains, mais il a liké un truc comme ça. Ouais. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live et merci à tous ceux aussi qui ont écouté le replay sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, c'est tout, je crois. Et ou Google Podcast aussi pour jouer. Toujours, j'ai essayé de l'ouvrir ce truc, ça ne s'ouvre même pas. D'accord. Écoute Théo, c'est Noël. Et on est aussi sur Podcast Addict, il me semble. On est un peu partout. En fait, vous êtes vraiment partout. Et ça, c'est sauf Deezer. Deezer, c'est plus compliqué. J'ai pas envie d'y mettre. Donc, il a pas envie de foutre le nez dedans. Vous avez pas envie de. Podcast Addict, on est ouais. Depuis toujours, depuis le premier épisode. C'est vrai ? Ouais, je l'avais. Solide. On t'en apprend une belle. Et on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon. Oui, voilà. On remercie Solène encore qui nous a bien aidé à sauver le podcast aujourd'hui. Mais elle écoute pas. On te remercie. Ouais, voilà, allez, et on se retrouve pour une prochaine émission, sûrement en janvier. Oui, salut les loustiques! Bisous, à bientôt! Voilà. Allez, salut, merci beaucoup! Salut!